C'est le Bud Spencer de la punchline, les mêmes lunettes que Kim Jong-un sur la croisette. On l'a même vu habillé en Mobutu, Pablo Escobar dans la peau d'un arboïde. Il paraît qu'il a même un code maya en tatouage. Ahora, chico, es el hombre que juega con las letras como te juegas con tus testículos. C'est Papacito dans Libéré sur parole. Bonsoir, bienvenue sur Libéré sur parole sur patriote.info pour nous suivre. Donc vous connectez sur le site ou alors sur la chaîne internet Te Patriote TV ou Te Pas TV et même les deux, c'est encore mieux. Ce soir, une émission spéciale avec Papacito. Bonsoir, Papacito. Eh ben écoute, bonsoir Tepa. Tu sais que pour moi c'est la consécration parce que je te suis depuis longtemps. Donc merci de m'avoir invité et je suis très très content de rencontrer, de me confronter au Tepanote. C'est comme ça que tu les appelles maintenant? Oui, les tepanotes, on m'a dit ça. D'accord. Ben voilà, les Tepanotes. Salut, bonsoir. Ben, salut à tous. Ceux qui veulent évidemment poser des questions, c'est sur le Discord. Donc il faut se faire valider. Il faut trouver le lien dans toutes les vidéos. Et je prendrai, donc ceux qui sont déjà sur le Discord, les questions dans questions pour le direct. Voilà. Donc sur le Discord, la caserne de Tepa. Voilà. Donc bonjour à la régie, bonjour à tout le monde, évidemment, tous ceux qui nous regardent, comme un rite habituel. Pour ce soir, une soirée avec Papacito. Alors, toi, Papacito, comment on pourrait te définir? T'es un auteur, Alors, je suis auteur, T'es je suis tout auteur, hein, simplement auteur concrètement. de BD que j'ai. Donc, la BD, tout le monde le sait maintenant. On va la Avec, montrer, ouais, on tiens. va la montrer, Voilà, voilà. attends que... La BD FDP de la mode, en collaboration avec Marceau. Avec Marceau, oui. Voilà, donc principalement, c'est ça. Je suis en train de développer d'autres choses, mais Ouais. pour l'instant, je suis auteur. Voilà. Et j'étais blogueur avant, donc à l'époque, pour ceux qui étaient Oui. là au tout début, il y avait le blog FDP de la mode Oui, tout à qui a fait. été censuré, recensuré. Donc finalement, maintenant, je l'ai laissé à des gens qui le gèrent pour moi. Voilà, donc blogueur, auteur pour l'instant. Blogueur, auteur. Donc c'est pour ça que je disais le roi de la punchline, parce que c'est toi qui écris tous les dialogues, c'est Alors, ça? dans FDP de la mode, c'est moi qui sais, même Ouais. les histoires, les dialogues. Donc, Marceau a son style qui est souvent, voilà, c'est rentre-dedans, très brutal et tout. Là, il y a un petit peu, j'ai glissé un petit peu dedans des trucs un peu, tu vois, des petites piques sur la société. Je mets le doigt là où ça fait mal, tu vois. Voilà, un peu différent. Mais c'est vraiment la rencontre du dessin, de l'univers de Marceau avec les punchlines et les thématiques à la Papacito, quoi, Mais voilà. c'est quoi? On peut dire un BD dissident, un Oui, peu des choses clairement. comme Ben, ça? regarde, c'est simple, c'est une BD qui s'est vendue. Alors, je ne sais pas exactement à combien on est, mais on a pulvérisé tout ce qui se fait sur le marché. C'est-à-dire qu'à la Fnac, on est numéro 1, sur Amazon, on était numéro 1 pendant un mois. Je crois que rien qu'en 2 semaines, on a écoulé 5 000. Ah ouais, Donc, tu vois, gros succès. d'accord. Par exemple, une maison d'édition, quand elle fait 3 000, elle est contente. Tu vois, c'est un succès. Tu vois, c'est un succès relatif. Mais là, vraiment, on a tout explosé. Et tu vois bien, on n'est pas forcément invité. On ne parle pas forcément de nous. Donc, oui, je pense qu'on peut la classer comme étant, en tout cas, dérangeante parce que elle est plus ou moins censurée. Tu Et vois. c'est sorti alors chez Ring, c'est ça? Alors, elle était d'abord sortie parce qu'on l'avait auto-produit Autoproduite, à l'époque. comme dans le rap, alors Voilà, autoproduit et ça a été exactement. C'était notre récupéré premier EP. par... Voilà, à l'époque où on traînait dans les blocs avec Marceau. Non, Voilà. non, on l'avait autoproduit. Ben, c'est-à-dire, moi, mon blog avait un succès énorme. J'ai commencé à mettre des dessins parce que je connaissais Marceau depuis 2008. Donc, j'ai commencé à publier ses dessins sur le blog. Et il s'est fait repérer parce qu'il a beaucoup de talent. Et donc là, en fait, les gens ont commencé à me dire, ben, faites quelque chose ensemble. Bon, au début, c'était vraiment pour, tu vois, pour faire connaître Marceau. Et puis, les fans nous ont dit, enfin, sur FDP, me disaient, ben, fais un truc avec Marceau, puisque vous êtes potes. Et on l'a autoproduit. Et là, en fait, ben, Marceau, entre-temps, est rentré chez Ring. Et Ring lui a donné une liberté telle que, si tu veux, il y a vraiment des bijoux qui sont sortis, tu vois. Il y a peu d'éditeurs qui ont les couilles Ring, c'est la maison en plus d'Oberton, de tout ça. Laurent Oberton qui a fait L'Excellent Guérilla. Je pense que beaucoup Alors, de gens moi, connaissent. quand je dis Ring, tout de suite, il y a des gens qui sautent sur leur chaise Ouais, je et sais. on me dit, Sioniste, c'est Ouais, des alarmes sioniste. qui s'allument de partout. Eh ben, Qu'est-ce qui se tu vois? je vais te Alors, c'est dire, quoi? en fait, tout simplement, en fait, les maisons d'édition Ring, si tu veux, c'est quand on est dedans, quand tu vois les profils qu'il y a, c'est vraiment très diversifié, tu vois, au niveau des auteurs. Alors, je vais pas dire qui pense quoi, tu vois, mais je peux t'assurer qu'il y a vraiment beaucoup de tendances politiques qui sont chez Ring, y compris des gens, par exemple, qui sont antisionistes, tu vois. Voilà. Après, oui, si tu veux. Dans la dissidence, il y a beaucoup d'antisionisme primaire. Là, je crois qu'il est qualifié de pro-sioniste parce qu'il est tout simplement pas forcément antisioniste. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord, ouais. Voilà. Après, moi, par exemple, je me suis exprimé, tu vois, je vais mettre les pieds dans le plat. Moi, je me suis exprimé à plusieurs reprises puisqu'on Ah a oui. l'injonction de devoir choisir un camp. Moi, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que quand je prends au Moyen-Orient les pays où les chrétiens sont le plus en sécurité, si je fais un constat froid, immédiat, le pays au Moyen-Orient où les chrétiens sont le plus en sûreté, c'est en Israël. Tu vois? Donc moi, en tant que chrétien, pour moi, ça suffit à plutôt avoir tendance à trouver que... Voilà. Alors là, il y aura tout de suite, tu sais bien, 50 commentaires qui Je vont sais, te dire, mais... attends, et t'oublies tel pays, et Ouais, je t'oublies sais, tel mais en pays. fait, les gens le savent, ça fait plusieurs années, à chaque fois je l'ai dit, chaque fois qu'on voulait me... Donc du coup, peut-être que je rends pas service à Ring, parce que moi, pour le coup, je suis pas farouchement... En fait, je pense qu'ils font ce que nous, on devrait adapter à la française, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une grosse cohésion, malgré tout, on est obligé de reconnaître qu'il y a une grosse cohésion entre eux. Certains appellent ça le tribalisme, d'autres diront un ultranationalisme, ce que tu veux. Et moi, mais je pense que c'est ce à quoi devrait tendre la France. Et s'ils nous dérangent autant et si on les critique autant, c'est qu'ils arrivent peut-être à faire quelque chose que nous, on n'arrive pas à faire, tu vois. Parce on n'a pas la même, voilà, on n'a pas la même, comment te dire, uniformité au niveau de la population, on n'a pas le même contexte. Et du coup, tu vois, en fait, moi, quand j'entends les gros discours nationalistes, ils tendent vers ça. Ils veulent faire un Israël français, donc en substituant tout ce que Israël fait sur le modèle français, tu vois, donc un pays qui soit assigné à une religion, avec des frontières inviolables, une police forte, un renseignement efficace, tu vois, là, le renseignement, quand tu vois qu'il y a un fichier S qui égorge un de nos gendarmes dans un Super U, alors que ça fait je sais pas combien de temps qu'on est en Vigipirate, qu'il y a de l'armée partout, tu vois, il y a peut-être des questions à se poser sur l'efficacité. Alors après, peut-être qu'ils ont plus de gens à gérer aussi, tu vois. Mais voilà, moi je me questionne sur le modèle et je me demande est-ce que c'est si voilà, c'est si diabolique que ça, je pense pas. Ouais, d'accord, tu vas te faire plein d'amis Ben avec ouais, ce voilà, genre écoute, de mais ouais, mais à un moment, voilà, il faut prendre des discours. positions. Plein de nouveaux amis. Parce que même toi, tu as des discours, alors sur justement sur les questions de dissidence, en ce moment, tu sais qu'il y a une espèce de, comment dire, on va dire qu'il y a la tendance racialiste qui est Ouais, très forte, ouais. très puissante, devient un courant. Alors, pas encore un courant politique, j'ai du mal, moi, à le voir émerger dans un courant politique vraiment, parce que ça va être trop combattu. Ouais. Mais en revanche, sur Internet, tout ça, c'est des idées qui Ah avancent, ben qui même sont, ça, c'est sur qui, Internet, c'est enfin, même prépondérant. Et d'ailleurs, on voit bien que là, il y a des médias qui ont été créés par la gauche et les types, si tu veux, ils essaient de concurrencer un 4x4 Range Rover, tu sais, en arrivant avec une auto-tamponneuse avec Gérard Miller dedans, tu sais, qui te dit ça ne se fait l'égalité des peuples. Ferme ta pas. gueule, t'as 10 ans de retard. Internet, ça y est, les gens ont compris, ils se sont dégauchisés. Adrien en parlait, là, Adrien Bozic, t'as reçu, d'ailleurs, que j'ai découvert grâce à Teupa TV. Donc je suis très content parce que, tu vois, Ah, d'accord, ok. finalement, t'es un bon fournisseur de, tu vois, t'es un bon fournisseur de modèles à suivre, tu vois. Donc Adrien, que j'ai découvert chez Meta TV, disait justement, à juste titre, en fait, ça y est, Internet, c'est trop tard. Ils arrivent trop tard, tu vois. Et le boulot était fait. Et surtout, le boulot était fait. Alors, il y a des trucs de plus ou moins bonne qualité. Mais tu vois, par exemple, ça, c'est ce que je disais, je crois que je l'ai dit hier dans le live, entre un Yann Barthès, qui est dans le système, et un journaliste comme toi, puisque tu fais du journalisme, tu vois, ou comme d'autres d'ailleurs, tu vois, eh ben, la qualité, elle est ici, tu vois. Donc, même si ils ont le pognon avec eux, tout ça et tout, sur Internet, vous faites le job depuis un moment déjà, et les gens s'y trompent pas, tu vois. Tu peux pas fabriquer comme ça tout d'un coup. Oui, c'est vrai, Voilà. Donc, oui, pour l'instant. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'on a encore, j'en parlais aussi hier, je disais qu'on est encore dans une mentalité de maquisard. C'est-à-dire que comme on n'est pas officiel, on est un peu, tu vois, en souterrain, on ne fait pas trop lien entre nous de peur de sortir, on se juge beaucoup les uns les autres, parce qu'en plus, il y a un truc, c'est qu'on est dans le camp de ceux qui cherchent la vérité, tu vois, il y a un peu ça aussi. Il y a des gens qui sont très accrochés à la justice. Et quand tu as un sens aigu de la justice, en fait, tu as tendance à vraiment vouloir trouver le modèle à suivre parfait, parce que tu t'es tellement dégoûté de la politique mainstream que tu dis, ah ben lui, il est trop cosmopolite, ah lui, il est trop de droite, ah lui, il est trop pro-juif, lui, il est pas assez si, ça, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, au final, on est encore dans une mentalité de maquisard avec plein d'antennes et on n'arrive pas à faire un front culturel, à se penser comme étant une masse qui, même si elle n'est pas unie sous le même parti ou le même truc, a une influence énorme dans la politique, et je pense qu'il faut, enfin, en tout cas dans la métapolitique, tu vois, dans la culture. Et c'est comme ça, dire que le marxisme culturel est arrivé. C'est d'abord par la culture, tu vois, la culture, le journalisme, les profs, et c'est comme ça qu'on a changé une société. Et bien moi, j'entends faire la même chose. Je pense qu'il faut dissidentiser le journalisme, dissidentiser les artistes, tu vois, moi, via la BD, via le cinéma. Il y a des petits docus qui sortent, tu vois, il y a des petites choses qui sont en train de progresser, et je pense que plus on va être nombreux à assumer nos positions, arrêter de se tirer dans les pattes, parce que globalement, on a plus ou moins les mêmes ennemis. Tu vois, on a quand même les mêmes ennemis, tu vois, on est tous à peu près d'accord pour dire que le multiculturalisme, tu vois, ça suffit, que la République, elle pose des problèmes, quand même, la Ve République. Donc, j'ai espoir qu'on arrive à passer nos petites dissensions et qu'on arrive à se concentrer sur la bataille qu'on livre contre nos ennemis, parce que eux, par contre, n'ont pas de difficulté à se laisser tranquilles les uns les autres et à nous attaquer et à nous mettre dans l'œil du cyclone à chaque fois, tu vois. Non, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, Yann Barthès, tout ça, ben ouais, il a plein de petits copains et tu vois, ils se tirent pas trop dans les pattes entre eux. Bah non, mais c'est important ce que tu dis. C'est vrai que le talent, on a l'impression qu'il est en face, et que enfin, bon, eux, ils se perdent, quoi. Oui, ils ont beaucoup d'argent, voilà, ils ont une audience qui est consécutive à leurs moyens, mais en fait, c'est vide, c'est quand même le creux. Ils n'ont rien à proposer. Même le média, c'est étonnant, parce que le média de Mélenchon, qu'on pourrait croire, bah, ça s'est effondré, ça se passe Ouais, pas très mal, ça marche super ça mal. marche pas. Tant mieux, je suis content. Mais ce que je veux te dire, c'est que, ben voilà, typiquement, je vais prendre l'exemple de ma BD. Sans pub, on en vend presque 10 000. Imagine avec de la pub. Imagine, t'es invité, je sais pas moi, chez Ruquier, tout ça et tout. T'imagines, à 1 heure de grande écoute, les gens, ça va les interpeller, tu vois, même s'ils sont pas d'accord politiquement. Et en fait, c'est quand il va y avoir des gens qui font des choses qui sont interdites pour le moment, quand ils vont commencer à avoir un peu de lumière dans les médias officiels, qu'il y aura une tendance qui aura changé. Pour l'instant, on est toujours dans l'ombre. Voilà. Et la réussite dans l'ombre dénote que si on était à la lumière, ça veut dire qu'on est obligé de faire de la qualité, en fait. Quand tu n'as pas de, en fait, quand tu n'as pas de visibilité, tu es condamné à la qualité. Si tu fais des trucs de merde, si en plus tu n'as pas de pub derrière, parce qu'il suffit de regarder, si tu veux, les mecs qu'on nous vend, les humoristes du système qu'on nous vend et tout, mais c'est une catastrophe. Moi, j'aimais beaucoup les Inconnus, tu vois, dans les années 90. Ouais, moi aussi. On peut pas parler d'humoriste système parce que pour le coup, à l'époque, en plus, ils envoyaient sur certains trucs, quand même, tu vois. Mais c'est des mecs qui passaient à la télé. Aujourd'hui, les mecs qui passent à la télé, alors même si les Inconnus n'avaient pas un niveau de subversion qui était énorme, ils étaient quand même Pas subversifs. énorme, mais tu sais qu'aujourd'hui, je crois qu'ils Ouais, seraient en procès, hein, les exactement, Inconnus, exactement. avec le peu de sketch qu'il y Exactement. aurait bien un truc déterré, ça ferait scandale, on dirait que c'est des Exactement. horribles machistes, racistes, homophobes, manjanaires, enfin, tout ce que tu veux, quoi. Et aujourd'hui, tu vois, des mecs comme ça, c'est impossible. À la place, on a des gars qui sont ce que j'appelais dans le blog, des plumeaux, quoi, tu vois. Qui n'ont aucune substance, qui n'ont aucune vision sur la société, c'est le gag, tu vois. C'est le stand-up. En plus, moi, j'ai constaté un glissement, tu vois, je vais faire une aparté sur ça. La tradition de l'humour à la française, qui nous vient du théâtre, en fait, tu sais, c'est vachement les costumes, les sketchs, ce que faisaient les nuls, ce que faisaient les trois frères. Il y avait ce côté, on va faire de la scène, en fait, tu vois, c'était vraiment le truc à la française. On fait une histoire. Alors, c'était les faubourgs de Scapin qui débarquent, qui mettent une levrette à l'autre pendant que le mari est en train de dépenser des thunes et se faire enfiler. Tu sais, il y a toujours un cocu dans l'histoire française, il y a toujours un mec qui passe pour un con. Et les Américains, il y a le côté rendement dans leurs blagues, et c'est le stand-up, tu sais, c'est pas de costume. Enfin, pas de costume d'époque, tu vois, ou de construction. On a un costume classique. Et puis une vanne, toutes les. Donc du coup, tu es là. Alors au début, c'est sympa parce que ça t'amène un petit côté frais, tu vois, par rapport à ce dont on a l'habitude. Mais au bout d'un moment, t'es là, c'est les mêmes sketchs, et les mêmes rires. En plus, là, tu sais, on s'est rendu compte qu'ils plagient tous ce qui se fait aux États-Unis. Mais putain, c'est d'une tristesse. Moi, des fois, je me dis, mais attends, mais comment les gens peuvent se repaître de ça? Et c'est pour ça qu'Internet a eu succès, parce qu'ils viennent chercher sur Internet ce qu'ils n'ont plus à la télé. Clairement, ils viennent là, le succès des YouTubeurs, de la BD underground, de la musique underground, c'est qu'à la télé, tu n'es plus représenté par rien qui soit de qualité. Ouais, mais parce que est-ce que c'est le fait que la télévision, elle se prive par idéologie de Mais mettre en avant surtout que, je suis complètement d'accord avec toi, mais surtout qu'en plus, je suis persuadé que dans la télévision, il y a des mecs qui sont dans des émissions de gauchisme fini. Quand on fait des vannes sur le multiculturalisme, et que c'est vrai et que ça tape juste, mais ça doit être les premiers à se marrer. Je suis persuadé que là, ils regardent les dessins de Marceau, les mecs, ils voient qu'il y a des espèces de connasses, tu sais, avec des tatouages carpe diem, qui prennent des coups de savate par son personnage, là, Eugène, qui est pas Marcel à l'ancienne, tu vois. Même comment ça s'appelle, les articles FDP. Je sais qu'il y a des gens qui les lisaient, qui étaient dans le. Et ils se marrent. Mais les financiers, c'est encore une fois les mecs qui amènent le pognon à la télé, pas tous, tu vois, mais y a, bah, la grande majorité ne peuvent pas se permettre, tu vois, de dire officiellement qu'ils rigolent à ce qu'on fait ou qu'ils sont d'accord avec certaines choses, certaines idéologies qu'on amène, quoi, tu vois. L'idéologie est plus forte quand même Ah, ben c'est clair. Ah, ils que préfèrent. l'économique. Ben, on préfère bâillonner toute une génération plutôt que lui donner accès au risque de devoir aller, de devoir se confronter, parce qu'en fait, c'est simple. Il y a des problèmes auxquels on n'a pas envie de se confronter. Et ces problèmes-là sont ciblés dans la dissidence. Le raptor dissident, c'est un mec il a 500 000 abonnés YouTube. C'est un kabyle de 1,50 m. Pardon, Raptor, si tu m'écoutes. Pardon, Raptor. C'est un kabyle de 2,50 m bodybuildé, si tu veux. Normalement, ces mecs-là déchargent des camions. Ils font pas 500 000 abonnés sur YouTube. Donc, si ce petit kabyle déchargeur de camions destiné fait 500 000 abonnés, c'est que le mec amène une putain de qualité à un moment, tu vois. Il amène un truc qui est hors norme, tu vois. Et y aurait pas ce phénomène-là si à la télé, il y avait des mecs aussi bons que lui. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes ses vidéos, il y a des trucs, c'est du pur génie, tu vois, au niveau de l'humour. Même les qu'on s'appelle les lives qu'il fait sont vachement intéressants, tu vois. Moi, ça me fait penser un peu à l'époque, presque des grosses têtes version 2.0, Ben quoi. ouais, Enfin, parce moi, je le que vois comme ça, quoi. bon, tu vois, moi, alors je sais que les En gens. théorie, ça devrait être ça. Enfin, tu vois, Mais dans la. c'est un peu les grosses têtes, mais. Espèce de truc qui est un mélange des gens sérieux, en même temps, on rigole, en même temps, il y a de l'humour, en même Mais temps, c'est. qui peut amener Virginie Vautard, Adrien Bozzi, tu vois, un bozo comme moi, et à côté Dario Shevchenko, tu vois, qui est. Dario Shevchenko qui vient avec des cicatrices sur la gueule dans les lives, parce que lui, pour le coup, ça, entre guillemets, sa dissidence, en tout cas sa rébellion, ben, il la paye de sa personne, tu vois. C'est un gars qui. Voilà, il se fait courser dans la rue par les Antifas, et leur fait face. Du coup, tu vois, il emporte les stigmates. Mais qui peut réunir tout ça et puis faire une émission cohérente au moment où des gens se rencontrent? Moi, tu vois, je suis pas d'accord avec tous les invités qui débarquent. Tu vois, même il y a des trucs qu'a dit Dario avec lesquels j'étais pas d'accord, et il y a des trucs avec lesquels je suis super d'accord. Mais je me rends compte que finalement, tu vois, un mec, voilà, comme le Raptor ou comme toi, tu invites des gens, tu vois. Même effectivement, tu vois, Daniel Conversano, je l'ai dit à plusieurs reprises, bien entendu, de par le fait que moi, je compte avoir des enfants métis, je suis l'ennemi à abattre pour lui. Mais je considère, tu vois, j'ai fait mon mea culpa hier, je considère que ça a été une erreur, tu vois, lui balancer les piques. Daniel Conversano, il a son mérite. Il y a certaines choses qu'il dit qui sont intéressantes aussi, et il ne faut pas l'exclure de but en blanc parce qu'il y a deux, trois trucs où, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je me rends compte que je suis en train de enfin, que je faisais ce que maintenant. J'ordonne de ne pas faire, tu vois, je propose de ne pas faire, qui est de se tirer dans les pattes Dans entre les pattes, décidants. c'est-à-dire qu'en fait, on peut parler en gros avec tout le monde, quoi, en gros. Ben, et surtout, moi j'ai été étonné parce que même des gens, tu vois, là hier, il y a un mec qui nous appelait pendant le live du Raptor, qui était un mec qui était vraiment pas du tout dans ma ligne, et ben tu vois, quand même, on a pu dialoguer. Alors à la fin, ben, il garde sa pensée, mais il voit que je peux argumenter ce que je dis. Et déjà, je pense que quand tu peux argumenter, que c'est pas juste des idées que tu envoies comme ça. Déjà, les mecs te respectent un peu plus, tu vois. Quand ils voient que derrière, bah, tu peux dire voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. C'est quelque chose qui. Voilà, donc c'est bien qu'on se rencontre, c'est bien qu'il y ait ce réseau qui commence à se tisser, qu'on se respecte les uns les autres et qu'on n'oublie pas qu'on a un ennemi commun. Mais ce qui Voilà. est bien, c'est parce que toi, tu as vraiment une ligne un peu, je pense, à part quand même de. Là, on voit bien quand même la tendance, c'est celle-là, c'est racialisme blanc à fond. Et toi, t'arrives un peu là-dedans comme Alors sortez écoute. les maracas, attention, les djembés sont pas loin. Vous allez tous danser le zouk si vous faites Alors regarde, je suis patriote, Je n'ai pas une goutte de sang français, mes deux parents sont espagnols, donc je suis un métèque, je suis pourtant patriote. Pour les gens de gauche, je suis un enculé de réac. Pour les gens de droite, je suis un pro métissage, hein, pour les racialistes. Pour les pro-palestiniens, je suis un enculé de sioniste. Pour les juifs, peut-être que je suis pas, tu vois, pour les sionistes, peut-être que j'ai trop de fréquentation arabe. Je suis trop un arabe pour eux. Mais en fait, au final, je vais te dire, peu importe. Moi, je suis content d'avoir la parole, tu vois, parce que finalement, Raptor m'a donné la parole, tu me donnes la parole, parce que je peux dire, au milieu de tout ça, qu'il existe, entre le racialisme extrême et le gauchisme insupportable, il existe quelque chose d'ancré dans le réel, dans lequel, à un moment, on arrête les discours de fin fond d'Internet, tu sais, en mode « Oui, les négros, on va tous les purger, réouvrir les chambres à gaz », un discours qu'on ne peut pas tenir dehors et qu'on ne pourra pas mener à terme, parce que matériellement, c'est quand même lourd, tu vois, lourd de conséquences et de logistique. Et pas non plus céder comme un enfoiré de collabo, tu vois, à faire du gauchisme. Et moi, si tu veux, ma ligne, elle est très ténue parce que je suis toujours en train de... L'extrême droite me traite de gauchiste et à gauche, on me traite De fasciste. de fasciste. Mais c'est pas grave, si tu veux. Moi, ce que j'explique, il y a des individualités parmi des gens qui ne sont pas de souche franco-française. Gaulois de Bran, je crois, on n'a plus le droit de dire. Enfin, c'est tout. Donc, il y a des gens ben, dont tu fais partie, dont le raptor dissident fait partie. Le raptor dissident, c'est un maghrébin, mais c'est un patriote, comme j'ai rarement vu, qui a fait Saint-Cyr, qui est un exemple. Moi-même, enfin, même certains Français n'ont pas le parcours exemplaire qu'il a. Le mec a fait Saint-Cyr, lycée militaire, il est ingénieur, il a fait des études. Tu vois, je veux dire, il y a un moment où, tu vois, tu es là face au raptor, tu dis, bon, attends. Le mec qui dit que les Arabes le cuit, ouais, ben celui-là d'arabe, enfin d'ailleurs c'est pas un arabe, c'est un berbère, mais celui-là pour le coup, il pourrait faire fermer des bouches, tu vois. Donc moi, si tu veux, j'encourage les Français de souche à se réapproprier leur fierté parce qu'il y en a vraiment besoin, ils ont beaucoup trop été attaqués, tu vois. Et en même temps, si tu veux, j'essaie de leur dire, mais c'est pas la peine d'aller à l'opposé. C'est comme le féminisme, pas besoin d'écraser l'homme pour devenir une vraie femme. Pas besoin d'écraser les autres peuples pour être fier d'être blanc. Il y a suffisamment de motifs d'être fier d'être blanc dans l'histoire des blancs pour avoir besoin d'écraser les autres, tu vois. Tu peux très bien être fier d'être blanc et avoir un regard bienveillant. Moi, ce qui est le cas, tu vois, j'adore l'histoire européenne. J'ai pas arrêté de lui faire des hommages dans mon blog, tu vois, et même dans mon lifestyle. Moi, je bouffe européen. Tu sais, des fois, il y a des mecs de la dissidence qui me font des commentaires sur mes penchants africains. Les mecs ont des Nike aux pieds. Tes chaussures sont américaines et t'as un problème avec le fait que ma femme soit une catholique africaine. Ouais, mais mec, tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment où il faut être cohérent. Moi, je bouffe français, je m'habille français. Tout ce que je porte sur moi est français. Fabriqué en France, c'est important, tu vois. Et le militantisme, à mon avis, il est plus là que dire ah ben ouais, il s'est foutu, il n'est pas avec une blanche, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon opinion, tu vois. Donc, moi, si tu veux, je pense qu'on n'a pas besoin. Enfin, quand tu vois l'histoire de l'Europe, mais putain, ça n'arrête pas. Alors, dans les vidéos, j'exagère, tu vois, je dis que les galions espagnols, ils ont fait des dérapages. Mais si tu veux, l'Europe a fait des dérapages aux quatre coins du monde. Si tu veux. C'est un braquage généralisé, tu vois. C'est comme si c'était un peuple de cagoulés qui fait des drive-by partout dans le monde pour installer des cathédrales et dire, toi, tu vas parler français, toi, tu vas parler anglais. Voilà, il y a un moment, si tu veux, s'il est. Voilà, s'il y a, si y a la roue en Amérique, c'est parce que les Espagnols l'ont amené. Bon, c'est une réalité aussi, tu vois. Si on a du goût en matière vestimentaire au Congo-Brazzaville, c'est parce que les Français sont allés au Congo-Brazzaville et ils ont distillé leur bon goût en termes de C'est la pinard, réalité. de champagne et tout. Parce que les Noirs qui croisent à la gare du Nord, c'est pas forcément les intellectuels qui se gavent de Dom Pérignon et de bon pinard. Je sais pas, moi, selon Yann Moix, ils sont tous adeptes du Victor Voilà, ah Hugo. oui, c'est Moi, vrai, je ils ont sais... tous lu Victor Hugo, je crois. Attends, ils sont tous lu Victor Hugo, Donc, là. parmi les vrais lecteurs de Victor Hugo qu'il y a dans le monde, voilà, dans les pays émergents, ben, t'as des mecs, ils ont vraiment des goûts à la française. Et des fois, ils ont une culture, tu vois, tu me parlais d'Aimé Césaire tout à l'heure, c'est des mecs qui font honneur à la culture française, tu vois. Donc, moi, je veux pas, au nom, si tu veux, d'une urgence, parce qu'il y a urgence, hein, au nom d'une urgence française par rapport au multiculturalisme, de réagir par rapport au multiculturalisme. Je veux pas de cette espèce de rouleau compresseur où vraiment on jette le bébé avec l'eau sale Ben moi, du j'ai bain, l'impression quoi. que, disons, je comprends leur réflexe parce que, un, il y a une invasion Ouais, migratoire, c'est donc clair. C'est je clair. La comprends les pression, elle a mecs, son il y a une maximum. pression, voilà, à son maximum, donc je peux les comprendre. Mais ce qu'il y a, c'est que je me pose la question, je me dis, mais en revanche, je vois pas quel ressort politique ça pourrait donner parce que, historiquement, si on se réfère au seul régime, entre guillemets, politique racialiste, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris, c'était lequel. Et celui-là, il est particulièrement combattu. Donc je vois pas comment il pourrait ressusciter, même au travers d'un nouveau projet, tu vois, qu'on va dire quoi, les nouveaux Européens, Déjà, ça si tu passerait veux, pas. s'ils appliquent du racialisme pur et dur, ultra hardcore, les concurrents de la France vont se régaler de faire des embargos et de Ah bah, dire, oh là regardez, là, tu vois, oh ça va là être le moment, là, on va oh se là faire là, choper. ah bah ouais. Alors que si on est malin et qu'on se comporte en européen, il y a bien des solutions pour rendre notre continent hostile par le simple lifestyle à des gens qui n'y sont pas adaptés. C'est-à-dire que, y a, par exemple, dans les pays de l'Est, moi j'ai beaucoup voyagé en Croatie, beaucoup voyagé en Serbie, eh ben, la population, les mœurs, la place de la religion, la place du nationalisme est telle qu'il ne peut pas y avoir, à un moment, tu ne peux pas faire débarquer 50 000 mecs et changer le pays comme ça. Hein. Il va y avoir friction. Hein. Là, malheureusement, en France, on est déjà dans cette situation où il y a vraiment, tu vois, il y a quand même une pression migratoire qu'on ressent vraiment, tu vois. Donc là, j'ai envie de te dire, c'est presque trop tard pour avoir ces réflexes-là. Là, maintenant, il faut certes avoir des plans de remigration par l'exigence qu'on va avoir des gens qui vont venir en France. Bah, c'est très simple. La loi en France, elle est suffisamment puissante. Le truc, c'est qu'on ne l'applique pas. Si on applique la loi stricto sensu. Bah, ceux qui n'ont pas de papier, déjà, ils ont rien à faire là. En Exactement. théorie, c'est Exactement. déjà, Bon, ça paraît après, du il bon faut arrêter sens. aussi de se mentir. Tu as plein de mecs qui sont des problèmes pour la France et qui n'ont leur papelard, tu vois. Parce que Ça aussi, oui, c'est mieux. finalement, moi, je connais certains sans-papiers qui sont plus valables. Tu vois, les mecs qui nettoient les plats de saucisses là, au quartier latin, les Pakistanais, tu vois, qui nettoient les plats de saucisses au quartier latin, ils n'ont pas de papelard et ils travaillent plus que certains mecs qui ont leur papier qui sont tranquilles Et et qui qu'on sont pourra jamais vraiment là. déboulonner. Donc, il va quand même falloir à un moment, il y a un certain type de Français. Qui ont déjà les papiers, administrativement, on ne pourra pas, tu vois, à moins de se faire baiser après à l'international, on ne pourra pas faire de loi, discriminante. Par contre, on peut organiser et réorganiser notre système éducatif, social, le service militaire, tout ce que tu veux, pour que ces gens-là soient vite punis ou exclus du système. Tu comprends ce que je veux dire? Bah déjà, si t'imposes aussi mononationalité, peut-être que les mecs, Exactement. Et à un c'est-à-dire tu moment, on leur doit dis vous choisir. choisissez, c'est-à-dire le mec qui a deux passeports, tu lui dis non, terminé ça, maintenant t'es soit français, soit ton autre truc, Exactement. et ça marche pour tout le monde, après, y Exactement. compris les Israéliens, hein, tu vois, comme ça, ils vous choisissez, t'es français, t'es israélien, t'es français, t'es turc, t'es français, t'es algérien, tu choisis, Et puis même, tu vois. tu vois, la laïcité, c'est pareil. La laïcité, c'est un interstice vide. Donc les gens arrivent et disent, attends, attends, tu peux pas me faire de trucs, c'est la laïcité. T'as des pays, ils ont plus ce problème. Enfin, ils n'ont jamais eu ce problème. Je pense à la Pologne, je pense à l'Espagne. La religion, tu vois, elle est omniprésente. Et on leur dit pas, ici, c'est un terrain vierge de religion. Parce qu'en fait, être vierge de religion, ça n'existe pas. Ça S'il n'y a pas n'existe de pas, religion, il y a une religion du pognon. Et s'il n'y a pas de religion du pognon, il y aura le bouddhisme. Et s'il n'y a pas le bouddhisme, il y aura l'islam. Il y a toujours une religion. Les gens ont besoin de ça. Donc, on ne peut pas faire une terre vierge de religion. Et le problème, c'est que malgré tout, le prosélytisme musulman se régale d'une terre sans religion. Parce que Voilà. là, mon pauvre, quand on fonctionne, si tu veux, le bouddhisme qui n'est pas prosélyte, lui, il voit une terre vierge de religion, entre guillemets, il se dit, bah, parfait, je vais pouvoir être bouddhiste sans me faire emmerder par les Chinois, ou, enfin, bien que les Chinois aussi soient bouddhistes, mais j'ai dit une bêtise. Mais ils vont se dire, je vais pouvoir sans me faire emmerder par tel ou tel truc, tu vois. Les musulmans, quand ils voient une terre qui est vierge de religion, ils se disent, ah ben, déjà, nous, dans le Coran, on a le devoir de convertir. Ah ben, parfait, tous ces mecs qui n'ont pas de spiritualité, allons-y. Moi, j'étais dans un lycée, je le dis à chaque fois, mais j'étais au polyvalent du Mirail. Et le polyvalent du Mirail, c'était, allez, je vais essayer de dire un truc à peu près correct et réaliste, c'était un bon 70% de musulmans, je pense. Voilà. Et si tu veux, très peu de chrétiens. Les seuls chrétiens qu'il y avait, c'était soit des blancs très pauvres, tu vois, de limite campagne ou prolo, ou alors des noirs. Tu vois, les chrétiens, en fait, les seuls chrétiens qui avaient, c'était des noirs, tu vois. Donc, au final, c'était tous les jours, c'était ce que je te disais tout à l'heure, c'était le passage, ouais, convertis-toi, parce qu'ils t'aiment bien. Et ils se disent, putain, lui, il a Papacito, ça serait un bon punchliner de l'islam, ça serait bien que tu te convertisses, c'est mieux pour toi, tu vois. Et en fait, non. Alors, le truc, c'est que la pression est forte, tu vois. Quand pendant le ramadan, la moitié du self, même les trois quarts du self sont réduits, fermés, t'es là, tu fais bon, voilà, tu vois. Et qu'il faut pas aller manger son sandwich devant tout le monde parce que ça peut être interprété comme une. Une provocation, Tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc, d'accord, t'es là, tu te dis bon, oui. tu vois. D'accord, Mais ça, c'est aussi cette situation-là. Voilà, bon, là, on peut en parler ici, mais personne n'en parle dans les grands médias de ça, parce que ça, c'est une vraie pression. Et toi, voilà, tu as vu, tu voulais dire ça à l'intérieur. Mais si on parle de ça, tu sais très bien qu'on va t'accuser de racisme. Si on était à BFM, là, immédiatement, Mais. tu serais un horrible raciste, quoi. Et ouais, Comment mais le ça? truc, c'est qu'en fait, il faut aller sur le. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je revendique vis-à-vis des Vikings du net. C'est que moi, j'ai. Dans la ville où je vis, dans le lycée que j'ai fait, l'endroit où je suis né, le sport que je pratique, je fréquente 1000 fois plus de Maghrébins que n'importe quel gauchiste, qui les aime de loin, tu sais. Donc moi, je les connais. Donc limite, j'ai le droit de dire comment ils sont parce que je les connais et que je les fréquente. Et je les ai affrontés à la loyale sur le ring quand je faisais de la boxe et tout ça et tout, tu vois. Donc finalement, j'ai un rapport à eux qui est démystifié. C'est pas. Putain, on va ratonner du bougnoule, tu vois. C'est pas ça. Et c'est pas non plus, oh, dis donc, c'est tous des profs de. Tu vois, c'est tous des philosophes, c'est tous des Averroès, tu vois. Ça, c'est les deux discours. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je les ai fréquentés, je sais les problématiques qui nous attendent avec eux. Je connais leur psychologie de groupe, leur psychologie individuelle, leur psychologie individuelle dans un groupe qui n'est pas acquis à leur cause, leur psychologie individuelle dans un groupe qui est acquis à leur cause, tu vois ce que je veux dire? Leur rapport aux Africains noirs quand il s'agit de s'allier face à l'Europe, et puis ensuite le discours à table où t'as pas envie que ta sœur elle ramène Maître Gims, parce qu'en fait ton daron c'est un Marocain qui a fait du marteau-piqueur pendant toute sa vie, et que si tu vois, s'il le rencontre, il va y avoir un drame. Donc tu vois, je les connais. Donc comme je les pratique, je n'ai pas un rapport à eux qui est extrême. C'est-à-dire que j'ai un rapport à eux qui est réaliste, en fait, qui est ancré dans le réel. C'est-à-dire que j'en connais qui sont tout à fait valables, et ceux-là, il faudra faire le tri. Et j'en connais qui sont des dangers finis pour la France, tu vois, et qui sont irrécupérables, et qu'il faudra absolument remigrer. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je suis sans concession. Et d'ailleurs, hier, on m'a demandé un pourcentage, on me dit, ouais, mais quelle proportion? Parce que tu dis ça pour toi. Moi, je pense qu'il y a un 70% qui n'a plus rien à faire ici. Et je pense, par contre, qu'on gagnerait à garder des raptors. À garder des. Alors, Aldostérone, il n'est pas français, il est anglais, je crois. On gagnerait à garder des mecs comme ça, tu vois. Voilà, Majidou Kacha, pareil, c'est des types, je suis désolé, ils sont brillants. Ils sont brillants. Même quand ils sont pas anti-islam, tu vois, parce que voilà, je viens de citer des mecs qui sont islamophobiques, mais t'as des. Bon, après, en général, je pense quand même que pour rester, pour s'ancrer dans le modèle français, il faut être islamocritique. Parce que moi, je crois qu'il y a rencontre des plaques, là, Ah, tu ouais. vois. Ah oui, c'était qu'est-ce que t'en penses, ça, ouais, Eh justement. bien, Parce moi, que je ça vais te aussi, dire. c'est un sujet qu'on Bon, entend eh bien, je vais te beaucoup, dire. l'islam. L'islam est une religion qui se veut totale. Elle ne peut pas accepter de vivre en minorité. Quand elle a paru en 664, l'Égyre, elle a été poursuivie et pourchassée au début, comme les chrétiens d'ailleurs. Tu vois, elle a été pourchassée très violemment. Le prophète a été obligé de s'exiler. Il est revenu ensuite à la Mecque. Et à partir du moment où elle a été en position de force, elle se dit, voilà, pour survivre face aux, tu vois, face aux chiites, face aux chrétiens, face à tout le monde, face aux juifs, voilà, il faut être puissant. Et puis il y a une philosophie dans le Coran qui est très ancrée à la culture arabe. Tu vois, par exemple, le prophète Mohammed est un prophète qui, par rapport aux autres, qui est guerrier quand même. C'est un prophète qui passe beaucoup de temps à faire la guerre. Et il y a quand même le mythe, tu sais, il y a Dhul-Fikar qui est l'épée. Tu vois, des fois, tu vois des mecs avec des pendentifs, avec des épées. L'épée, c'est le. C'est, enfin, il y a l'épée du prophète, il y a quand même ce mythe. Je crois que c'est Khaled, le sabre de Dieu, ça veut dire. Je crois, hein, il faudra rectifier. Khaled, qui était un grand de l'islam, c'est pareil, c'était un guerrier. Donc c'est une religion qui est quand même tournée vers l'expansion. Alors moi, je suis très fier parce que l'Espagne a été le tombeau de cet impérialisme-là. D'ailleurs, c'est la preuve que, tu vois, il y a eu 8 siècles. On Huit essaie. siècles d'occupation, Et quand d'ailleurs, on essaie de même, nous dire souvent, oui, mais c'est pas de la colonisation, parce qu'on te parle toujours de la colonisation. Moi, des fois, d'ailleurs, je m'amusais, t'avais des Maghrébins qui démarraient, ouais, mais la colonisation. Et là, j'arrivais, genre, parce qu'ils voulaient parler de l'Algérie, et je leur dis, ouais, laquelle, celle de l'Andalousie ou celle de l'Algérie, en fait? Parce que, il y en a une qui a duré 8 siècles. Là, vous avez 5 siècles de retard, là. Tu vois? Donc, si tu veux, ils ont quand même une visée impérialiste. Et le cas de l'Espagne est intéressant parce que ils ont vécu pendant 8 siècles. Au bout d'un moment, normalement, tu vois, les Romains sont arrivés. Très rapidement, ils ont donné leur religion au peuple où ils sont, qu'ils ont conquis, tu vois, plus ou moins. Enfin, ils sont adaptés. Là, ça n'a pas marché. La greffe n'a pas pris, tu vois. Il y a 8 siècles de huit présence. siècles et ça marche pas quand même, Tu vois, c'est quand donc, il y a même. une résistance. Alors, tu vois, c'est ce qui me fait me dire qu'en plus, les Européens ne sont pas faits pour cette Et en religion. plus, ethniquement, ils sont proches, quoi. Encore une Exactement, fois, les exactement. Espagnols sont pas loin Alors, ethniquement c'est des rigolo parce que les Maghrébins, quoi. gènes se sont. Moi, tu vois ma gueule. J'ai plus une tête, si tu veux, à rouler avec un camion sur la promenade de Nice qu'à designer des meubles Ikea à Stockholm, tu vois. Faut être honnête. Bon. Donc, si tu veux, on se paye des têtes d'arabes finis. Mais par contre, le vecteur. Alors, il y a un peu de culture qui est passée, mais la religion n'est pas passée. Et tu vois, moi, je me suis toujours interpellé là-dessus. Le christianisme s'est bien diffusé en Ibérie, tu vois. Il y avait le culte païen du taureau. Le christianisme a réussi à s'installer. Et l'islam a la greffe n'a pas pris. Et si elle n'a pas pris, c'est que je pense que dans son logiciel, elle n'est pas adaptée à l'homme européen. L'homme européen n'a pas besoin. L'islam, c'est une religion qui pose des cadres très très stricts. Donc c'est pour des gens qui, a priori, avaient besoin de cadres très très stricts. L'Arabie, avant l'arrivée du prophète, je pense que ça devait pas être exactement, tu vois, le marché de Noël à Bruges. Tu vois? Il devait y avoir un peu des règlements. De toute façon, quand tu vois un rebeu picoler, ça te donne un aperçu de ce que pouvait être le monde arabe avant l'islam, tu vois. C'est-à-dire des empoignades et des coups de poignard avec des cris à 3 h du matin. Ils ont interdit. Après, ils se sont dit, Donc je comprends pourquoi l'alcool est interdit. Nous, les Européens, on arrive plus ou moins à se gérer, tu vois. Ça, c'est un peu plus culturellement. On n'a pas le même milieu, on n'est pas dans le désert, tu vois. Parce que l'islam est une religion du désert. Le christianisme est une religion du désert et de la Méditerranée. Et tu vois, c'est pas pareil. C'est une religion de l'arbuste. C'est pas une religion du désert, tu vois. Donc c'est encore différent. Mais si tu veux, l'Européen n'a pas besoin de tous ces cadres-là. Il arrive, si tu veux, un moment à faire un pacte social qui n'a pas besoin d'être un pacte social avec le couperet à la fin. Et d'ailleurs, c'est ça qui manque aujourd'hui à la France, par exemple, c'est que nous sommes à l'opposé de l'islam. C'est-à-dire que nous n'avons aucune règle. Nous considérons que les règles, il est interdit d'interdire, tu sais, mai 68. 68. On considère que les règles sont anti-humaines. Non, non. Avec certaines personnes, les règles sont nécessaires. Tu vois? Et pourquoi aucun dictateur du sud de l'Europe ne ressemble au dictateur du nord de l'Europe? Avec son propre peuple, je parle, hein, pas forcément avec ses minorités. Mais quand tu vois un Franco, quand tu vois un Mussolini, ou un Salazar au Portugal, ou un Pinochet au Chili, c'est un peu plus verrouillé, tu vois, que, par exemple, je sais pas, bah d'ailleurs, mais tu vois un Poutine, qui est une dictature c'est une dictature entre guillemets, c'est une dictature, je l'aime beaucoup, je suis pour Poutine, mais c'est quand même un régime autoritaire, tu vois. Mais dans la façon de gérer la population, c'est pas la même chose. Et chez les Arabes, c'est exacerbé. Les Saddam Hussein, les Kadhafi, c'est des mecs qui allaient au balcon, ils faisaient des discours, je le dis pour rigoler dans mes vidéos. Mais enfin, Saddam Hussein, quand il est à Paris, il a des Ray-Ban, il tire avec des flingues, il a un ventre comme ça, il leur explique que, tu vois, sa passion, c'est les Macroud et les AK-47, tu vois, il faut pas l'emmerder. Donc, tu diriges pas pareil des Arabes que tu diriges des Franco-Français. Ça, c'est une réalité, moi, je pense, hein. Et d'ailleurs, tu diriges pas des Espagnols de la même façon que tu diriges des Français. Donc, ça, à un moment, il y a ce problème-là, tu vois. L'islam arrive en Europe, dans un continent qui est détendu. Les mecs sont détendus, c'est-à-dire, oui, bon, il y a des règles, mais ça va de temps en temps, on arrive à. Et c'est pas pour ça que, tu vois, on arrive à voir les cheveux d'une femme sans se dire que c'est une provocation ou un appel à la fécondation, tu vois. Tu vois, je veux dire, bon, donc à partir de ce moment-là, moi je crois qu'il y a, tu vois, il y a vraiment, c'est antinomique. Mais en plus, c'est marrant parce que cette histoire de l'Espagne nous est toujours vendue comme le modèle d'une Alors ça, mon coexistence pauvre. pacifique entre les Alors je vais te religions. dire, alors là, d'ailleurs, je vais leur donner une tranche de. Je vais leur filer une tranche d'Espagne, là, tout cela. En Andalousie, il y a eu des périodes où, effectivement, il y a eu une entente. Bon, il y avait quand même la dîmitude, hein, c'est-à-dire que tu te fais pas égorger, mais. Tu te payes là pour. Ouais, t'as intérêt à faire ton petit chèque en PC. Enfin, pas en pesetas, en dinars, tu vois, tu fais la conversion en dinars pour avoir le droit d'aller à l'église. Ça, c'est une chose. Il y a eu, effectivement, à un moment, des périodes de prospérité où on se tapait pas sur la gueule. Moi, je viens d'une région qui s'appelle la Castille. Ça s'appelle la Castille parce que ça vient de Castillo, qui veut dire château. Château. Et là, je peux te jurer que dans les mentalités, c'est très clair, hein, c'est l'envahisseur, le violeur, le pillard, qui veut brûler des moines et esclavagiser et nous vendre son Coran. Et quand tu vas en Castille, c'est un désert rocailleux, tu vois, aride. Il y a des moulins abandonnés et des châteaux abandonnés, tu vois. Parce que ça n'a servi qu'à ça. C'était une région qui était dépeuplée. Et à un moment, ils ont fixé le front contre les musulmans. Et l'âme profonde espagnole, elle vient de Castille, tu vois, Cervantes, tout ça, c'est des Castillans. Et ils sont tournés, je regrette, hein. Mais leur mythe, c'est on a repoussé les musulmans. Le saint patron de l'Espagne, c'est Saint-Jacques, le tueur de morts. C'est son blaze. C'est pas Saint-Jacques Gynéco ou Saint-Jacques Westside. C'est Saint-Jacques Matamoros, littéralement le tueur de morts. Et ça, c'est, tu vas dans les bâtiments officiels, t'as des cadres, tu vois. Là, ça leur fait bizarre, tu vois, quand les mecs, ils arrivent, ils débarquent du Maroc et puis ils déboulent sur une administration qui s'appelle, voilà, là, c'est sur la place des tueurs de morts. Ah ouais, d'accord. Tu vois, c'est différent de la place de la République. Tu vois. Donc, si tu veux, il y a ils ont qu'à aller voir en Espagne, de toute façon, et écouter les Espagnols. Alors, t'as bien sûr, t'as certains bourgeois, bobos, poètes, tu vois, qui vont te dire, oui, l'islam, tout ça, qui ce truc. Quand tu vas dans les les campagnes, parce que l'Espagne est essentiellement un pays de ruralité, il y a plus de gens dans les campagnes que dans les villes, te disent tous, d'ailleurs ceux qui sont dans les villes ont des rapports avec la campagne, te disent tous que s'ils reviennent, on sera prêt à aller. Tu vois, il y a vraiment ce truc de la fierté d'avoir repoussé les Arabes, d'avoir tenu. Parce que pour eux, ce n'est pas une invasion définitive. Ils ont tenu un front. Tu vois, nous on le voit comme étant, ils sont rentrés dans l'histoire d'Espagne. Pour eux, non. Ils sont rentrés dans l'histoire d'Espagne parce que c'était des ennemis. Et c'est toujours ce miroir. Ce qui a une part de faux, parce qu'ils ont quand même diffusé des choses. Le carrelage, je te fais pas un dessin, tu vois. Bien Il y sûr, a les gueules, le carrelage, il y a quand même des trucs qui nous viennent des Arabes grandement, tu vois. Mais le truc principal qui est l'islam, ils n'en ont jamais voulu. Et ils se définissent en tant que Castillans par la fierté, les Aragonais pareil, par la fierté d'avoir repoussé les Arabes. Donc tu vois. L'Espagne, elle est vendue par le marxisme culturel comme étant l'exemple que ça peut se fonctionner. Quand tu vas là-bas et que tu demandes aux locaux, ils te disent, ah non, non, ça va pas fonctionner. La seule chose qui fonctionne, c'est une grosse croisade des familles, tu vois. Donc l'Espagne avant-poste en tout cas. Mais ça l'a longtemps été. J'espère que ça va le demeurer, franchement. Parce que toi, tes critiques aussi, j'ai bien vu vis-à-vis des, enfin critiques vis-à-vis des Africains, dans une espèce de discours quand même assez de vérité en disant bon, en gros, vous voulez qu'on vous respecte, commencez par respectez-vous et étonnez-nous et on vous respectera, mais arrêtez de chialer quoi. Mais regarde, je vais te donner un exemple qui est simple. Hein. Quand tu as un mec dont tu sens qu'il n'y a plus aucune barrière, qu'est-ce que tu éprouves pour lui? Tu sais, quand tu rencontres un mec, il se respecte plus, il a honte de qui il est, de son passé, de ses parents, de son boulot, il marche en regardant le sol. T'as du mépris, enfin t'as de la tristesse, au mieux tu as de la tristesse, et au pire t'as du mépris pour lui, tu te dis mais putain respecte-toi, c'est comme quand tu passes, c'est terrible ce que je veux dire, c'est comme quand tu passes devant un clochard, et que t'es super bien sapé, et que tu vois le mec, tu te dis putain, moi des fois je me dis putain c'est dur parce que c'est quelqu'un qui il est littéralement au ras du sol, et toi tu passes, et toi la société t'a permis un moment où toi-même tu t'es permis, tu vois c'est bon, il y a aussi individuellement certaines choses, voilà, mais je veux dire... Malgré tout, il y a un moment, il y a un être humain par terre, tu vois. Et là, tu te dis, au mieux, tu as de la tristesse pour lui. Et la plupart des gens, moi, je crois, ont du mépris. Ils diraient, un clodo, il est bourré, c'est sa faute, c'est une merde. Quand tu as un mec qui t'agresse, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Bizarrement, celui qui t'a rien fait, tu le méprises. Et celui qui vient, qui te retient en otage, tu vois, je sais pas où, qui commence à te dire... Tu es là, il te tient en respect. D'ailleurs, tu vois, l'expression de tenir en respect, quand tu pointes quelqu'un avec un... Avec un guigui, tu le tiens en joue, tu lui dis, là, on appelle ça tenir en respect. Parce que malgré tout, il y a un respect qu'on acquiert et puis il y a un respect qu'on comprend. Tu vois? Et le respect qu'on prend, c'est quand on débarque, on met deux gifles, on dit, à partir de maintenant, tu vas fermer ta gueule. Et les gens ont plus de. C'est malheureux, mais ils le savent. Nos ennemis le savent. Ils savent qu'on est dans la position de ce clochard, on n'a pas de relation, qu'on n'est pas unis entre nous. Donc, si tu veux, ils nous voient comme étant des victimes potentielles, tu vois, des victimes, des mecs incapables de se rebeller. Donc, ils nous respecteraient plus si on avait un flingue à la ceinture, pas besoin de le dégainer, hein. Si on avait un flingue à la ceinture et que chaque fois qu'il y en a un qui débarque et qui dénique la France, on lui dit « Attends, attends, regarde là, tu vois ce que c'est là? Calme-toi. » Sauf que là, on ne fait pas ça. Quand un mec nous dénique la France, on lui dit « Ah oui, mais alors, tu as eu une enfance Ouais, difficile, tu... » mais les empires ne réagissent pas comme ça. Ça, c'est justement, c'est les Africains qui réagissent comme Eh ça. ben, Les je... Africains réagissent comme Mais ça. regarde, alors je vais Tu sais, prendre... j'avais un exemple, je me disais, regarde, en Afrique, tu prendrais, par exemple, tu prends même un pays assez calme comme le Gabon, tu apprends dans la semaine qu'il y a une bande de Sénégalais qui est venue, qui a renversé 80 personnes sur le marché. Je pense qu'il faudra 48 heures à tous les Sénégalais pour fuir le pays. Ah mais Et exactement, exactement. non, mais tu comprends ce que je veux dire. Et en plus, je prends le Gabon, mais ça pourrait être n'importe quel pays d'Afrique. C'est comme ça que réagiront les Africains. Ils Complètement. vont pas, ils vont, ils vont pas attendre le cinquième attentat pour virer les. Non, mais tu le sais. Attends, Amin Dada, quand il a été élu, tu sais, il y avait des communautés d'Indiens et de Pakistanais qui faisaient des costumes, qui étaient dans le textile beaucoup. D'ailleurs, Freddie Mercury, je le dis entre parenthèses, Freddie Mercury est né à Zanzibar. Il est à Zanzibar, oui, parce qu'il est il est d'origine perse. Ah, en fait, c'est une tribu d'Inde qui vient de Perse à la Qui base, vient d'Iran à la d'Iran et qui base. était des Zoroastrismes. Exactement. D'où son visage d'ailleurs qui ressemble vraiment à. Il a un visage particulier Particulier. Tout à fait. d'Aryens, en fait, quoi, les Non, vrais Aryens, tu vois. Et Amin Dada a été élu. Vous avez 24 heures pour vous casser. Donc quand Amin Dada te dit t'as 24 heures pour te casser, sachant que le mec fait 100 kilos et qu'il a des trônes dans le léopard, tu peux imaginer qu'à un moment, si tu dépasses les 24 heures, il y a des mecs qui vont débarquer en pick-up et qui vont faire le ménage. Tu vois, là, t'as un rapport au pouvoir qui n'est pas le même que quand François Hollande dit, bon, là, on va agrandir, on va commencer à mettre des cartouches dans les chargeurs des militaires qui patrouillent pour Vigipirate. Tu vois ce que je veux dire? Ou on va faire la guerre au terrorisme. Oui, voilà, oui, non, non. Faire la guerre. Oui. C'est à quel moment il y a la coercition. Et t'as des mecs qui incarnent cette coercition. Quand tu vois un Poutine, il déboule, il dit on va aller buter jusque dans les chiottes. T'es comme ça. Ah oui, oui, oui. Quand Saddam Hussein il débarque, il dit Saddam Hussein, mais il a fait de la confiture de djihadistes. Tu n'en entendais même pas parler. Il les faisait attraper par sa police secrète, il les démontait. Ouais, il les démontait. Il les démontait. C'était le boss. Et il était en pantoufle le week-end. Donc c'est pas antinomique avec un lifestyle tranquille, tu vois. Mais à un moment, il faut comprendre que la fermeté ne passe pas forcément par le nazisme. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être un pays normal et avoir à un moment des exigences de comportement, des exigences des exigences d'intégration, tu vois. Mais est-ce que ça, c'est comme il disait, cette expression de Julien Rochdy, là, qui disait, oui, on est trop raffiné. Il avait peut-être raison. Hein. Non, moi, je crois qu'il n'y a jamais trop de raffinement. Ça, c'est le piège, en fait. Parce que c'est l'histoire de, tu sais, c'est l'histoire de, il va falloir devenir les bêtes qu'on affronte, mais en fait, tu te perds. Quand tu choisis cette voie-là, tu perds l'essence de l'Europe. Moi, je suis persuadé que le jour où l'Europe va se mettre à faire des génocides de quartier, c'est là où elle sera morte. Parce que ce qui a toujours différencié l'Europe du reste du monde, c'est qu'à un moment, il y avait des voix qui s'élevaient. Alors, c'est des voix qui me cassent les couilles des fois, mais c'est des voix qui s'élèvent pour dire « Attention, faisons preuve de discernement ». C'est ça la grandeur européenne, tu vois. C'est à un moment de dire « Non, on ne tue pas les femmes et les enfants ». Tu vois, des trucs comme ça, voilà, le panache, tu vois, j'en parle souvent, le panache, tu vois, il y a un moment où on dit… Esprit chevalier, quoi. Voilà, on n'a pas l'exclusivité de ça, ça existe ailleurs dans le monde, mais les Européens, c'est vraiment ceux, de par leur histoire, leur romantisme, les œuvres qu'ils ont produites, qui l'ont glorifié, ça, voilà. Et si tu veux, si on commence à agir comme nos ennemis, moi, je crois que la fermeté est beaucoup plus violente quand elle s'applique froidement que quand t'es des espèces, tout d'un coup, de chevaliers qui débarquent. Enfin, quand je dis chevalier, non. De vikings du net qui débarquent et qui disent... ah ben, tu vois, par exemple, je sais pas, quand les mecs vont ratonner un vieux maghrébin de 60 ans à la retraite, c'est déplorable. C'est déplorable. Par contre, arrêter de faire de voter comme des merdes et avoir de l'exigence et intervenir dans le métro quand quelqu'un se fait emmerder ou quand t'as un mec qui a le son fort, tu dis excuse-moi, là c'est chiant, tu vois. C'est simple comme phrase. Ouais, mais le truc, c'est que tu sais très bien, regarde, moi je suis d'accord avec toi, mais tu vas au-devant de grands problèmes. C'est parce que les mecs, le mec à qui t'as dit ça, t'avais pas vu, mais il y a quatre mecs avec lui autour et ils vont te... Alors, on me fait souvent le rabarque, on me dit, oui, mais toi, Papacito, tu fais 1m93, 100 kilos... Ah ben, ça aide aussi. C'est vrai. C'est vrai. Des arguments. Mais je peux te dire, déjà, il y a deux choses. C'est pour ça que je parle de monter une équipe à chaque fois, parce que je pense aussi que les gens, va falloir qu'ils commencent à comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent d'être... si tu veux, quand on demandait aux soldats français de sortir d'une tranchée, c'était pas un par un. C'était en ligne. Pour qu'il y en ait trois qui puissent arriver, qu'il y en ait au moins trois qui aient le privilège de se faire tuer dans la tranchée ennemie, tu vois. Là, si tu veux, on sort un par un. Donc, on se fait tirer au pigeon. Donc, je dis aux gens, si vous êtes si vous évoluez en milieu hostile, eh ben, agissez en conséquence. Montez une équipe, ayez des potes, commencez à apprendre. Déjà, quand tu sais te taper, tu sais, quand tu as fait un sport de combat, déjà, la chose, tu vas voir, déjà, le mec, quand il regarde tes yeux, c'est comme quand tu regardes National Geographic et que tu vois le crocodile qui est en train d'attendre la gazelle, tu vois. Tu sais que la gazelle, à un moment, elle aura beau prendre tous les doliprane qu'elle veut, le mal de crâne va pas s'arrêter, tu vois. Donc, il faut qu'il... Tu vois, tu envoies des signaux aussi, par ton lifestyle, la façon... Si t'es habillé comme le dernier des fifres, tu vois, qu'on dirait un bouffon, que t'as un pantalon rose de chez Célio, qu'est-ce que tu veux? Ouvert au genou, là. Non, mais tu vois, il y a un moment, regardez un peu les livres d'histoire, qu'est-ce qu'ils faisaient, les chevaliers, les guerriers de l'Antiquité, ils se peignaient la gueule, ils se mettaient des plumes sur le casque, ils mettaient des fourrures parce qu'ils avaient l'air d'être des titans, tu vois, quand tu les voyais, c'était ça le truc pour impressionner, ils mettaient de la couleur, les Grecs mettaient beaucoup de couleurs sur leur casque, sur leur bouclier, les Vikings, pareil, parce que tu voyais débarquer les mecs, tu disais, ouf, ah ouais, d'accord. Là, quand tu t'habilles en Jean-François trou du cul, et tu vas faire peur à qui, tu vois, bah tu vois, oui, je veux dire. Oui, mais c'est ça, mais est-ce que aussi, tu vois, regarde, les Blancs, ils fonctionnent pas sur le même système, par exemple, regarde, c'est tu vrai. Vas prendre des petits Noirs, des petits Arabes, quand ils vont avoir à apprendre à l'école, qu'est-ce que vont dire leurs parents? Quoi? L'autre, il t'emmerde? Tu lui en fous une. Sans pitié, ils vont lui dire ça. Le petit blanc, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu as un problème, tu vas voir la maîtresse, tu vas voir un prof. Ils sont pas du tout sur le même logiciel. Mon combat, il est là, te pas. Mon combat, il est de dire à un moment, apprenez. Tu sais, l'évolution, c'est adapte-toi au crève. C'est comme la Légion, d'ailleurs. Marche au crève. À un moment, il faut comprendre dans quoi tu es. Si tu comprends pas dans quoi tu es, tu es appelé à disparaître. Si tu comprends dans quoi tu es, normalement, tu t'adaptes. Et à un moment, il va falloir que les mecs s'adaptent et voient la réalité en face. Quand tu habites dans certaines villes, quand tu prends le métro à certains horaires, tu as plus de chances de croiser certains mecs. Et il faudra être. Moi, par exemple, regarde, je te montre, j'ai systématiquement sur moi, parce que c'est la tradition dans la région d'où je viens, j'ai systématiquement un couteau sur moi. Tu vois? Déjà, rien que le bruit, tu vois, c'est de la corne de taureau. La gueule de la lame, on dirait que j'arrive à sortir des insignes Mercedes pour les revendre, tu vois. Donc, tu vois, quand tu sors ça, rien que le bruit, mais des fois, t'as même pas besoin. Il y a eu des situations où t'as même pas besoin de sortir ton schlass. Le mec, il commence à te parler, tu le poses sur la table, tu lui dis, regarde là, qu'est-ce que t'en penses, tu vois. Tu lui montres, qu'est-ce qui se passe, tu vois. T'as même pas besoin de l'ouvrir. Mais il faut faire des trucs déter. À un moment, il faut comprendre que quand on est en guerre, il y a beaucoup de psychologie. Moi, je les connais, les rebeux, le trois quarts du temps, ils gonflent comme ça, en te disant, attention, il y en a, tu vois, c'est des jusqu'au boutiste parce que. Voilà, oui, mais il y a ce truc, justement, de la fierté de fou. Et ben ouais, mais à un moment. Attends, le mec, il estime tu l'as mal regardé au feu, il veut te planter. Et ben ouais, ben déjà, et un couteau sur toi. Et un couteau sur toi, parce qu'il y a un mec qui te sort un schlass, si toi tu sors un schlass, là déjà, on n'est plus dans. On n'est plus aux infos, on est dans un film. Parce que là, il y en a deux qui ont un couteau, donc potentiellement, c'est un film de KPDP, et tout peut se passer, tu vois. Déjà, il y a du suspense. Parce qu'un mec te sort un schlass et qu'il est comment s'appelle, et que toi, t'es désarmé, déjà, tu pars avec un truc en moins. Donc, moi, je dis aux gens. Voilà, vous le portez dans votre fourreau, c'est pas illégal, dans un petit fourreau, un couteau, pas un cran d'arrêt, hein, un couteau qu'il faut déplier. Il faut déplier, puis il y a la taille de la lame aussi, je crois. Exact. Ah non, mais ça, c'est des légendes, tu c'est sais. Des légendes avec la pomme de la main, je sais pas quoi, là. C'est des légendes. Un couteau plié qui ne soit pas cran d'arrêt, donc pas automatique, un couteau que tu déplies dans une. Moi, j'ai une housse en cuir, il est là, il n'y a pas de problème, tu vois. Si un policier t'arrête, tu dis, ben voilà, c'est pour couper le saucisson. Bon, mais c'est pour couper le saucisson. Moi, je l'utilise pour couper le saucisson, tu vois. Mais si un jour. Ben, il y a un mec qui vole un camion pour aller rouler sur des Français. Si toi, t'es à côté et que t'as compris ce qu'il allait faire, eh ben, s'il y a une carotide qui traîne, tu peux déjà aller l'entamer un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Bon, attention, j'appelle pas au truc, mais à un moment, on aura plus la capacité d'intervenir si il y a des gens qui sont en danger. Tu vois, si un terroriste qui commence à faire le fou, eh ben, je sais pas. Moi, je sais pas comment je vais réagir. Hein, je te dis ça, mais si demain il y a une prise d'otage, je vais peut-être être le premier à me foutre en boule et à pleurer. Tu vois. Donc, j'essaie de faire des entraînements et des trucs pour. J'essaie de mettre dans des milieux où je me prépare à ça. Tu vois. Mais je pense qu'il faut que les petits blancs. Parce qu'il faut appeler un chat, c'est les petits blancs. Il faut que les petits blancs commencent à se dire qu'ils sont dans un monde où certaines personnes considèrent que ce sont eux le gibier. Et il faut réagir en gibier. Le porc-épic, avant d'avoir des épines, il se faisait bouffer. Tu vois, par des trucs plus gros que lui. Un jour, il s'est dit, tiens, je vais me foutre des épines sur le dos. J'agresse personne, mais celui qui veut me mordre, eh ben, à un moment, il va devoir aller chez le dentiste demain. Tu vois. Donc voilà, il y a des trucs. C'est du bon sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est du bon sens. Donc moi, je dis aux gens, ben, faites de la boxe. Traînez. Si vous êtes, si vous êtes dans des endroits où c'est un peu chaud, eh ben, montez une équipe. Et déjà, si vous êtes 4 ou 5 et que les mecs voient dans vos yeux que vous avez un peu tapé dans le sac et que vous avez pris des marrons dans le museau, ils vont peut-être se poser la question deux fois. Tu vois. Alors que quand tu vois un mec qui sort, qui est tout seul, qui regarde ses pieds, qui a aucune domestication de la violence, aucune domestication de la virilité. Mais parce que aussi, alors il y a un autre truc, moi je trouve aussi, mais c'est que, regarde, les blancs n'ont pas de ciment naturel pour se communautariser. Les arabes, ils ont le logiciel doctrine islamique qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, et puis même il transcende même les races, mais bon, dans le tribalisme c'est très La fort. Ouma. Voilà, la Oumma c'est très très fort. Les noirs, ils ont le fait d'être noirs. Et qui, pour eux, la reconnaissance raciale est tellement forte que c'est un. Leur parti politique, c'est noir. Voilà, noir, ça suffit. Mon frère, assieds-toi, il n'y a pas de souci, t'es noir, on t'ouvre la porte, je te fais confiance. Enfin, tu vois, ils ont ce logiciel noir, mais les blancs, ils n'ont pas ce logiciel Ouais, tribaliste c'est vrai. racial et ils n'ont pas de doctrine non plus. C'est vrai. La doctrine nationale, elle n'est pas assez forte, Elle n'est pas assez clairement. Elle ne forte. rivalise pas avec l'islam, hein. Enfin, Elle n'est pas assez forte parce que d'un côté, ils entendent les mecs, tu vois, bien déter, les nations déter, leur Voilà. dire ratonne des mecs, et de l'autre côté, il y a Yann Barthès qui leur dit non, mais mets-toi à genoux là, tu vois, mets-toi à genoux, ça va passer. Il y a un juste milieu, il y a un juste milieu qui est celui à un moment, voilà, je suis un homme, il faut que je me comporte en homme. Et à des fois, c'est difficile, attention, moi, il y a des endroits où je me dis, faut pas faire le malin, parce que là, tu es vraiment en sous-nombre et tout, il faut être intelligent aussi, hein, voilà, attention, il faut pas jouer les héros et aller à une mort certaine. Par contre, en dernier ressort, avoir la capacité de réagir. Quand le conflit arrive, être capable de l'affronter au maximum de ta possibilité. En fait, la réalité, c'est qu'il faut éviter le conflit au maximum. Mais par contre, quand le conflit va se présenter, avoir la capacité d'y aller à fond. Tu vois. Quand le mec commence à te faire des mouvements de main comme ça pour prévenir qu'il va essayer de te prendre le dessus psychologiquement, si tu l'attrapes par le col et que tu lui mets un coup de casque et que ses narines retournent à l'intérieur de sa tête, ben déjà pour la suite, tu as pris l'ascendant. Tu vois. Alors que si tu te laisses faire, que tu commences à dire oui, pardon, alors là, c'est foutu psychologiquement, c'est terminé. Tu vois. Donc il faut aussi avoir l'apprentissage de ça. Avant, tu allais à l'armée, tu te bagarrais un peu dans les bars et tout, tu vois. Donc tu savais plus ou moins quand ça commence à chauffer. Là, des fois, je vois des mecs, mais ils sont inconscients. Ils ont des houppettes, ils ont des lunettes à la. Tu sais comment il s'appelle? Jamy, là, de C'est pas sorcier, tu vois. Ils ont des dégaines de botanistes pour la 5, tu vois, qui font des émissions botaniques pour la 5. Et les mecs, ils vont se balader à 3h du mat dans des endroits où il y a écrit sur leur gueule viande gratuite, tu vois. Donc à un moment, il faut être malin, tu vois. Il faut aussi arrêter d'envoyer des signaux de faiblesse. Tu me demandais, donc pour revenir à ta question, tu me demandais quel peut être le ciment. Eh bien, la doctrine, moi, je l'amène. D'autres l'amènent aussi en disant communautarisez-vous. Moi, je dis communautarisez-vous sans développer de la haine. Développez simplement de l'efficacité, de la réactivité, de la solidarité. Tu vois? Pas besoin d'aller attaquer les autres. Par contre, quand on vous attaque, soyez une bombe nucléaire, tu vois. D'ailleurs, c'est en accord avec le christianisme. Tu vois, moi, je considère qu'il ne faut pas aller chercher la merde. Par contre, si on vient te trouver, alors là, tu es dans ton droit. Et là, il faut aller au maximum, tu vois. Ça, c'est une chose. Et tu me parlais, qu'est-ce qui peut les fédérer? Qu'est-ce qui peut les fédérer, mon cher Tepa? Ben, ce qui doit les fédérer, c'est qu'ils doivent se rendre compte qu'ils sont en train de devenir un gibier. Parce qu'à chaque attentat, je regrette, mais le phénotype du mec typique qui se fait buter, c'est le blanc. Donc, qu'est-ce qui doit les réunir? Le fait qu'ils sont pourchassés. Le fait qu'ils sont en train de devenir une cible dans leur propre pays. C'est ça qui doit les fédérer. C'est ça qui doit leur dire. Putain, maintenant, il faut peut-être que je me tourne vers mes semblables pour trouver une solution, tu vois. Ça ne veut pas dire que. Moi, c'est pas parce que j'ai cette doctrine-là que j'arrête de fréquenter des Africains. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça le pire. C'est que je continue à avoir des potes noirs qui sont droits dans leurs bottes. Et qui. Bon, avec les Maghrébins, le problème, c'est que comme moi, j'ai beaucoup de fierté historique par rapport à l'Espagne, j'ai encore des potes maghrébins, hein, mais c'est difficile, tu vois. Souvent, on se dispute sur certains trucs, mais ça va, tu vois, on arrive à dialoguer. Mais on me le reproche souvent, mais par exemple, via la boxe, j'ai des bons potes noirs, tu vois, qui sont des mecs droits dans leurs bottes et qui sont tout à fait patriotes et qui seront tout à fait dans notre camp. Et qui seront tout à fait dans notre camp sans équivoque. Et ces mecs-là, j'ai pas envie de les sacrifier au nom d'une espèce de doctrine infaisable qui serait de allez, on les remigre tous et on est des vikings. Non, t'es pas un viking, t'es un mec sur un clavier derrière un écran. Et pour l'instant, dans la vraie vie, tu n'as pas de. Là, dernièrement, j'ai posté, je sais pas si, ouais, si j'ai posté une photo de quand j'étais beaucoup plus fluet, que je démarrais la boxe, tu vois. À Toulouse, quand tu fais des combats de boxe, tu affrontes des Maghrébins. Donc, c'est des gens que j'ai affrontés à la loyale. Et quand tu les affrontes à la loyale, tu te dis, mais c'est pas des supermans, c'est des gens courageux, c'est des gens rugueux, il faut le dire quand même, tu vois. L'Algérien, quand tu lui tapes dessus, on dirait un clou qui est pas au bon diamètre, tu vois. Bah, c'est une réalité, tu vois. Donc, il faut un plus gros marteau, c'est une réalité, tu vois. Voilà, mais il y a d'autres choses et tout. Moi, j'ai vu des Français, franco-français, campagnards, avoir des couilles, tu vois, quand tu vas du côté de Saint-Gaudens, de Tarbes et tout, des Basques et tout ça. On a aussi des mecs couillus chez les Blancs, tu vois, et ces mecs-là, tu les rencontres en gala et tu te rends compte. C'est rigolo parce que via la boxe, mon club est, tu vois, est très à cheval sur le patriotisme et tout. On a des Maghrébins, on a des Noirs, mais tout le monde est patriote, tu vois, c'est la règle, tout le monde est patriote, tu vois. Et parce que l'entraîneur est quelqu'un qui. Je passe bonjour d'ailleurs. L'entraîneur est quelqu'un qui est très à cheval sur ça. C'est pas un racialiste, mais c'est quelqu'un qui est très à cheval sur l'amour de la nation et la cohésion entre nous, tu vois. Et dans le club, c'est là où. C'est en allant à la boxe, c'est en allant dans les trucs d'hommes que je me suis dit, attends, attends, les petites putes que tu as rencontrées dans le hall d'immeuble ne sont pas comparables aux Maghrébins qui viennent t'affronter à la loyale et qui fout ses gants et à qui tu vas aller te mesurer, tu vois. C'est pas le même calibre. Donc, il faut faire attention, tu vois, à pas mettre tout le monde dans le même. Non, mais c'est ça, mais c'est comment tu fais le tri, quoi. C'est ça, le Ah ben truc, moi, je c'est vais te dire ça. très simple, hein. Il suffit qu'un homme te parle, il suffit que tu le vois se comporter quelques heures pour comprendre à qui t'as affaire. Il y a des gens qui respirent l'honnêteté, la grandeur, qui respirent la noblesse, et t'en as d'autres où tu sens que c'est des petites merdes, tu vois. La petite Kaira là, qui a ses mains dans ses poches et qui commence à faire des aux filles qui marchent comme un. Tu vois, c'est dégueulasse ça, tu vois, direct, faut arrêter, tu vois. Et à côté de ça, t'as des gars, paf, droit dans leurs bottes et tout. Ben, je l'ai rencontré, je le connaissais pas, Dario, typiquement, Dario, Dario Shevchenko. Tu le rencontres, le gars, voilà, tu lui serres la main. Et tu vois, et bizarrement, ce mec-là ne dit jamais nègre, bougnoule, tu vois, il est très, très violent dans ses positions. Mais par contre, il n'est pas insultant gratuitement, tu vois. Il y a cette noblesse qui fait qu'à un moment, le gars, c'est un gars qui prend des marrons pour les choses qu'il dit. C'est pas un viking du net. Et bizarrement, ceux qui prennent des marrons sont ceux qui disent le moins négro et compagnie. Parce qu'ils savent que la lâcheté, elle a bien des couleurs, tu vois. Et qu'y compris des fois dans ton propre camp, quand tu vois Yann Barthès, tu te dis, putain, ben, entre Yann Barthès et Patrice Carteron. J'ai choisi, tu vois. Ouais, mais c'est une réalité, tu vois. Alors, il est comme il est, Patrice Carteron, tout ça, bon, voilà. Mais malgré tout, t'as un type qui est noir et qui est patriote à fond et qui essaie quand même de, tu vois, de véhiculer des idées difficiles à véhiculer dans le milieu où il est, en cité. Et en face, t'as Ouais, mais une. tu te bats, alors à la fois, parce que lui, Patrice Carteron, moi, c'est quelque chose que je connais, il va se battre contre les noirs communautaires qui vont lui dire « Enfoiré, t'es qu'un bounty, t'es qu'une... Voilà, t'es vendu aux blancs. » Et puis de l'autre côté, t'auras les blancs ultra-racialistes, parce que cette branche existe, qui vont dire « Mais non, mais ça peut pas être un Français, regarde-moi ce nègre, il est trop Eh ben, je noir. » pense qu'il se tire une balle dans le pied parce que moi c'est pareil, je reçois des messages de mecs qui me disent on va te rémigrer en Espagne. Bon, Toulouse est à 1 heure de la Bon, ça frontière. va, ouais, je prendrai Non mais même en plus, alors, en plus ce qui est rigolo c'est que les mecs ils ne se rendent pas compte parce que c'est souvent des Dis-toi mecs. que ça devait débiter très micro Non en mais c'est des mecs du Espagne. nord de la France qui me disent on va te remigrer en Espagne. D'accord, alors je vis à Toulouse, c'est à 1 heure de route de la des Pyrénées, ok. Je sais pas si ça va changer, tu vois, mais a priori pas grand-chose, tu vois. Je veux dire, bon, voilà. Il faut pas se couper des bons éléments qu'ont amené la diversité. Les bons éléments qu'ont amené la diversité, tu vois. Alors là, je dis un gros mot pour certains, mais c'est une réalité. Moi, je ne veux pas me couper d'un Tepa, je veux pas me couper d'un Raptor, et j'ai pas envie de me couper de la France parce que je n'ai pas de sang français. La France, je l'aime, je la porte au cœur, je la plébiscite dans mon blog. J'arrête pas de dire qu'il faut faire tourner l'industrie française. Moi, dans mes actes militants à moi, c'est de consommer français. Et tu vois, c'est un peu plus cher que de consommer. Voilà. Et si tu veux, à un moment, c'est par des trucs comme ça. C'est pas en disant on va faire une croisade sur Internet. Tu vois? Voilà. Donc revenons au réel. Et vous verrez qu'en revenant au réel, en allant sur le terrain, vous allez rencontrer des gens d'extrêmement bonne volonté qui ne seront pas franco-français. Et le plus drôle là-dedans, c'est que j'ai rencontré Génération Identitaire Toulouse, qui avait la réputation d'être des infâmes skinheads. J'ai halluciné parce que les mecs ont un discours d'une maturité. Vraiment, tu les écoutes. C'est des gens cultivés. C'est des gens qui ne sont pas racistes bêtement, tu vois. Y a pas de, tu vois. Bon, en plus, la moitié, c'est rigolo parce qu'à Toulouse, les nationaux, ben, la moitié, c'est des. Il y en a certains qui sont du cru, qui sont des Occitans purs et durs. Mais à côté, tu as des mecs qui sont franco-italiens, franco-espagnols. Si tu veux réémigrer tous les mecs qui ont du sang Bon, ça va être voilà. extra-français à Toulouse, tu vas réémigrer Toulouse. Hein. Bon, voilà, là, c'est problématique, tu vois. On va tous aller à Saragosse. Ça va être compliqué, tu vois. Mais voilà, moi, je ne veux pas me couper de ces Français-là. C'est pour ça que je suis. Tu vois, voilà, les grands noirs de l'histoire de France, comme il s'appelle le général napoléonien Dumas, Dumas. bien sûr. Bah attends, mais ça, c'est la classe, hein, tu vois. Les Tepas, les grands du journalisme français, c'est les Tepas. Moi, c'est l'exemple que je prends à chaque fois, parce que pour moi, c'est vraiment le gars qui crache sur son pays. Mais Yann Barthès, tu vois, comparé à toi, moi, j'ai choisi. Pourtant, il y en a un qui est blanc. Ouais. Et il y en a un qui est un peu un Ah traître bah de à toute son façon, chez les pays. blancs, il y en a plein qui crachent sur la France, ça Ouais. c'est un fait, hein. Les blancs Ouais. ne n'immunisent Mais pas contre d'ailleurs, ça, ceux qui ont mais organisé, et ça, je suis Adrien à la grande honnêteté intellectuelle de le formuler dès qu'il peut, c'est que les premiers pourvoyeurs d'anti-francité sont des blancs de gauche, marxisés culturellement. Donc les mecs, ils sont les pires, oui, c'est tu vrai. vois, si tu me permets, je vais pouvoir me justifier parce que j'ai pas eu la parole encore là-dessus, me justifier sur le choix de ma compagne. Tout le monde me le reproche. Ils me disent, ouais, tu veux sauver la France, mais t'as une compagne Ah oui, congolaise. j'ai vu, on m'a dit, Papacito, il participe au grand remplacement, il fait Bon, une et eh ben voilà, autre. c'est très bien, je vais pouvoir m'exprimer là-dessus Alors, et vas-y, mettre un point dis-le. final. Moi, j'ai grandi dans une ville où les filles qui m'entouraient étaient des filles. Majorité, il faut savoir que Toulouse est une grosse ville de punk à chien. Ah oui, je confirme. Voilà, Je c'est une confirme. fille d'une ville de punk. C'est le gauchisme infini. Donc autour de moi, il n'y avait que des femmes qui étaient gauchisées mentalement à fond. D'accord? Il y en a qui étaient très bien, mais qui ne me plaisaient pas forcément, mais il y a quand même beaucoup qui sont gauchisés mentalement, tu vois. Donc hors de question. J'ai pas envie que mon gosse il fasse pipi assis par respect pour le. Tu vois? Bon. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y avait l'autre choix, c'était soit des punks à chien, soit des caïras. Soit tu te mets avec la rebeuse toulousaine, très jolie, vachement apprêtée, mais il faut que tu te convertisses. Donc là, tu as la promesse d'un couscous royal, mais derrière, va falloir que tu te fasses couper la languette et que tu fasses allégeance, tu vois. Hors de question. Donc j'étais là, putain, merde, moi je suis un mec à l'ancienne, j'ai besoin que ma gonzesse respecte le fait que je sois un homme, qu'elle me donne ma place d'homme et qu'elle accepte ma virilité. Moi, s'il y a des copains du lycée qui écoutent, j'étais déjà en pantalon à pinces au collège. Moi, fin du collège, j'étais en pantalon à pinces chemise. Les seules gonzesses qui venaient vers moi avec un style comme ça, c'était les Renois. Parce que c'était les seuls à se dire non, ce mec-là ne sort pas de Miami Vice. Ce mec-là, en fait, est un mec à l'ancienne, tu vois. Donc les premières qui ont commencé à accepter le gars que j'étais, donc très à l'ancienne, très acariâtre, en fait, étaient des filles noires. Donc je me suis dit, putain, c'est fou. Et voilà que je rencontre, parce qu'avant de réfléchir en groupe, il y a aussi des individus, et voilà que je rencontre une femme qui m'accompagne, à qui je me suis marié, et voilà que je rencontre une femme qui est catholique, qui respecte l'homme que je suis, qui m'encourage à être un homme, qui ne me contredit pas quand j'ai des positions qui sont des fois un peu critiques sur la féminité, et qui à la fois est une femme forte, parce que c'est ça qui est drôle. Moi, j'ai un dicton que je dis tout le temps, dans les pays où les femmes ont des couilles, il n'y a pas de féminisme. Parce qu'en fait, ce qu'elles veulent, elles le prennent. Et comme elles le prennent d'office et qu'elles le méritent, personne n'a rien à redire là-dessus. Tu as des matriarcats, tu as des sociétés matriarcales où les gonzesses gèrent tout. Chez les Touaregs, la femme, c'est... parce que l'homme va dans le désert, il va faire le fifou au soleil, tu sais pas quand est-ce qu'il rentre, il y a un moment, il faut que quelqu'un tienne la baraque. Tu vois. Et ces femmes-là, tu les entendras jamais dire, ouais, je vais aller me foutre une patte de bouc dans la chatte à la cathédrale pour protester contre le patriarcat, tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment, je suis tombé sur une femme, c'est une individualité qui était tellement à l'ancienne. Déjà, elle me plaisait physiquement, faut dire la vérité, tu vois, elle me plaisait physiquement. Elle respecte ses parents, parce que je suis désolé, les Africaines ont cette culture-là, elles respectent leurs parents. C'est vrai. Tu les as pas dans ton lit comme ça, et ça, c'est quelque chose que je respecte, c'est pas des gonzesses que tu mets dans ton plumard comme ça, globalement, attention, tu vois. Bien sûr qu'il y aura des contre-exemples, mais je veux dire. Il y avait des choses qui étaient importantes pour moi, qu'elles réunissaient. Et donc, je suis tombé amoureux. Et tu vois, c'est un truc que tu vois, on peux pas me reprocher. À un Bah moment, non, bah. tu tombes amoureux d'une personne et je tombe amoureux d'elle. Et il se trouve que depuis 4 ans que je suis avec elle, je suis un homme épanoui, heureux. Elle m'encourage. Elle est patriote. Elle n'a aucun mal à critiquer. Tu vois, elle a un regard. Elle est née en Afrique déjà. C'est pas une Rokhaya Diallo. Elle est née en Afrique. Elle est née pendant une guerre civile. Elle a quitté son pays à cause de la guerre civile. Donc, si tu veux, quand on commence à lui dire oui, le Black United, il dit attends, attends, il y a des mecs qui sont arrivés en 4x4 dans mon village, qui ont commencé à empiler des gens et qui ont commencé à violer des mineurs à la chaîne, tu vois. Donc là, tu vois, l'Afrique, tu la vois différemment quand tu as connu ça, tu vois. Et elle, si tu veux, quand elle entend des Guadeloupéens qui sont nés sous le drapeau français lui expliquer ouais, les Noirs sont méprisés en France, ah ben putain, en Afrique. Il vaut mieux être noir en France que noir en Afrique. Hein. Tu vois, si t'es pas de la bonne ethnie et que tout d'un coup il y a un changement de gouvernement, Gouvernement. ça picote. Hein. Ça picote, tu vois. Donc c'est une fille qui elle a des valeurs à l'ancienne. Et je sais qu'elle va éduquer mes gosses bien. Et je sais qu'elle va les éduquer dans l'amour de la France. C'est quelqu'un qui a du goût, tu vois, qui considère, qui connaît les bons vins et tout. Tu vois, moi c'est parfait, quoi. C'est parfait. Quand je rentrais du déménagement. Elle m'avait préparé à bouffer. Quand moi je rentre plus tôt, je lui fais à bouffer. Mais moi, quand je rentrais, tu vois, je faisais un boulot très dur, j'étais déménageur. Je rentrais, il y avait un plat comme ça de poulet frit avec 1 litre de bière. Attends, mais il y a un moment, comment tu résistais à ça? Tu vois, je veux dire, ils sont gentils avec la négrification de la France, mais putain, quand t'as faim et que t'es face à un plat de brochettes de porc, tu vois. Parce qu'elle l'a fait avec amour, tu vois, avec le manioc, là, tu sens que tu, à la fin du repas, t'auras gonflé ton taux de testostérone au maximum, tu vois. T'es là, tu fais putain, ça change de la gonzesse qui te dit, ah non, au patriarcat, je n'ai pas à te faire un plat de ça, pâtes. un plat de pâtes. Et ce qui Je vais fait. te préparer des légumes bio. Ouais, voilà, tu vois. Et ce qui fait que moi, après, du coup, comme elle me traite en homme, eh ben, tu vois, je lui fais des cadeaux. Quand c'est elle qui a du boulot, ben, je lui fais à manger. Bah, ça me fait plaisir de le faire. Et finalement, je crois qu'une femme est plus épanouie avec un homme qu'elle honore, parce que l'homme va finir par l'honorer, qu'avec un homme qu'elle est tout le temps en train de qu'on s'appelle d'enfermer, et qui va aller la tromper, tu vois. Donc, je sais pas, si j'avais grandi dans un endroit où il y avait plein de blanches qui étaient toutes à l'ancienne et qui m'avaient fait des plats de poulet énormes, peut-être que je serais tombé amoureux d'une blanche, y a pas de problème, tu vois. Mais il se trouve que moi, la première femme qui m'a impressionné par son taux de à l'ancienneté, ben c'est une Africaine, voilà. Et j'ai aucun mal à le revendiquer, et ça n'a absolument, c'est absolument pas une contradiction dans le fait que je pense qu'il va falloir en réémigrer 70%. Sauf que ma femme est patriote, elle n'a pas de casier judiciaire, elle bosse, elle est catholique. Et ben écoute, moi je pense qu'elle a sa place en France. Et elle aime ce pays surtout, c'est important, elle aime ce pays. Voilà. Donc je pense qu'elle a sa place en France. Il y a beaucoup de filles que je connais qui peuvent pas en dire autant, tu vois. Et qui détestent leur propre pays. Alors voilà, je sais pas. Après, tu vois, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est rédhibitoire. et qui m'en voudront toujours d'avoir de m'être mis en concubinage avec une femme comme ça, ben, je regrette, mais elle a des valeurs qui, moi, m'ont séduit. Oui, non, mais c'est parce que c'est le nouveau truc, ça. C'est maintenant, oui, toi, t'es blanc, tu dois épouser une blanche. On se revient dans Mississippi Burning, ben, 1923. Après, moi, si tu veux, j'encourage les blancs qui trouvent que à faire des enfants, à les élever dans le patriotisme. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants blancs qui naissent dans des familles de gauchistes qui vont leur dire « excuse-toi pour la colonisation » et tout, tu vois. Moi, mes gosses, je vais leur expliquer, je vais leur dire « voilà, voilà la réalité de ton histoire africaine, voilà la réalité de ton histoire européenne et voilà le pays dans lequel tu vas être. » Parce qu'en plus, lui, il va être hispano-congolais, il aura zéro français en français, mais justement, c'est tellement, tout ça est tellement complexe qu'à un moment, il va se dire « non, mais attendez, oui, vous êtes bien gentils les uns les autres, mon pays, c'est la France. » Voilà, c'est ça. Et je vais tout faire pour que... Je vais l'amener en Espagne, il va voir la tombe de ses ancêtres, je vais l'amener au Congo, il va voir la terre de ses ancêtres, mais à un moment, je lui dis « attends, attends, attends. » À un moment, si j'ai rencontré ta mère, c'est parce que la France a permis cette rencontre-là. Donc maintenant, l'œuvre de nos vies doit être de rendre ce pays ce qu'il nous a donné. Moi, mes grands-parents, qui étaient des immigrés espagnols, avaient un amour de la France qui est difficilement descriptible. C'était la lumière dans la nuit. Moi, j'ai été élevé avec des discours sur la France. C'était pas des gens qui reniaient l'Espagne, parce que c'était leur pays, tu vois, et que fatalement, tu es attaché à ces choses-là. Mais ils avaient un amour de la France qui était incommensurable, tu vois. Donc, ça me fait mal au cœur, des fois, quand les mecs me disent « t'es un métèque espagnol », je leur dis « ouais, c'est vrai, mais vraiment, mon âme est profondément attachée à la France. » Mais non, en plus... Sincèrement, c'est presque un peu ridicule aujourd'hui, parce que même chez les Blancs, il y a plein d'Espagnols, de Portugais. Mais j'ai l'impression que c'est pas Polonais, partout pareil, parce que tu de vois, machin, de... quand j'ai parlé à Génération Identitaire Toulouse, il y avait des mecs qui étaient blonds, qui étaient très certainement franco-français depuis de longues dates. Et il y avait des gars qui étaient moitié italiens, il y avait des gars qui étaient moitié espagnols. Ça ne les empêche pas d'être parmi les Français les plus. Ils ont fait une manif contre le retour des djihadistes à Toulouse, sur la place du Capitole, c'est risqué, tu vois. Ils ont fait stop retour djihadisme Toulouse, faut des couilles pour faire ça. Ouais. Et pourtant, ces gens-là sont jamais en train de te dire les négros, tout ça et tout, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est bizarre que ceux qui soient les moins violents soient les plus actifs sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire. Donc, à un moment, je pense que le réel te ramène aussi à une forme d'humilité. Ah, mais je suis assez d'accord. Parce que toi, ce que tu critiques, c'est ces gens qui vont beaucoup s'exprimer sur Internet, mais finalement, on sait très bien que le discours qu'ils peuvent tenir sur Internet et la réalité, par contre, là, ça se télescope. C'est parce que tu peux pas arriver mais n'importe regarde, où. Est-ce que je marche dans la rue avec un masque? Est-ce que je marche dans la rue ou est-ce que je me cache derrière un pseudo? Non. Non, bah non. Mon visage apparaît et quand les gens voient un visage, ils voient les mots qui en sortent et les mots qui en sortent sont critiques sur l'islam, sont critiques sur le voilà. Mais mon comportement est suffisamment noble en général pour déjà intimer le respect et surtout ne pas me faire prendre à défaut sur des... Les gens ont envie de te fracasser quand t'es une merde. Il faut dire la vérité. Quand t'es une merde, les gens ont envie de te fracasser. Et quand t'es pas une merde, ils ont plus de mal à te fracasser. Tu vois ce que je veux dire? Donc même si t'as des horreurs, c'est ce que disait Kémy Séba. Il disait, quand tu l'as reçu ici, il t'a dit, moi, j'ai... c'est bizarre, mais... quand je rencontre des suprémacistes blancs, comme je suis à fond dans mon truc et que j'incarne le truc, eh ben les mecs me respectent, même si on n'est pas du tout d'accord. Et tu vois, ça, c'est un truc, je crois qu'il a raison là-dedans. Quand t'es droit dans tes bottes, sans exagération, tu vois, sans dire... il me semble pas que Kémy Séba a dit qu'il faut exterminer tous les blancs en Europe, faites des meurtres de blancs. Non, il n'a pas dit ça. Voilà. Donc, si tu veux, il garde la mesure des choses. Surtout que lui, dans son panafricanisme, je lui reconnais qu'il essaye de porter et de regarder aussi vers les dirigeants noirs, en ne les exonérant pas, en disant, bon, vous êtes bien gentils. C'est vrai que souvent, il les critique, et d'ailleurs, il le paye, c'est vrai. Et il le paye, ce côté-là. Bah, d'ailleurs, ils l'ont viré du Sénégal, comme quoi, eux aussi agissent, tu vois, voilà, le mec, il les dérange, il les fait chier, il le dégage. Hein. Ils sont très, très hardcore, hein, de ce point de vue-là. Mais t'as tout à fait raison. Je vais prendre quelques questions du public. Alors, les questions, comme je vous l'avais dit, c'est questions pour le direct dans le salon. Je regarde un peu ce qu'il y a, mais finalement, visiblement, ils posent beaucoup de questions entre eux. Ouais, au final, ça sert à rien en fait. Ah, Papacito aussi, allez, regarde. Papacito, selon toi, quelle est la place de la violence physique dans le combat pour mettre en avant les valeurs patriotes? Doit-on en arriver à se faire justice soi-même ou bien faut-il encore faire confiance aux forces de police ou à l'État en général? Ça dépend des cas. Tu vas avoir des gens compréhensifs qui ont envie d'intervenir, qui sont impliqués, sur lesquels tu pourras compter dans certains cas. où c'est délicat, et il y a dans d'autres cas où tu es complètement à l'abandon. Ben mais parce que... Il y a beaucoup de cas où tu es souvent à l'abandon. Ben ouais, parce que c'est le nombre aussi qui compte. Parce que tu sais, regarde, quand tu es... Bon, déjà, un, on parlait tout à l'heure, les Blancs qui sont assez isolés, ils n'ont pas de logiciel en commun, entre guillemets, entre eux. Et en plus, en nombre, eh ben, ouais. Ils, clairement, je veux dire, tu sais, voilà, il y a une agression dans le RERD à 20h. Contre un blanc, ils seront peut-être 5 ou 6 dans tout le train. Hein, je, tu vois, ils je vais répondre à la question. Nombreux, hein. Je vais répondre à la question. Se faire justice soi-même. On ne peut pas nier à un homme de vouloir défendre le dernier retranchement. Tu sais, quand on t'insulte, quand on t'outrage, il y a une limite qui peut être grande. Moi, j'ai une limite qui est assez grande, tu vois. Je peux me contenir malgré beaucoup, beaucoup d'outrage, tu vois. Mais il y a une limite dans laquelle le mec veut m'anéantir. Il veut anéantir mon âme. C'est-à-dire qu'il va proférer des insultes à un tel niveau, avec un tel débit, avec une telle régularité, que là, il essaie de m'atteindre en tant qu'homme. Il veut me détruire, il veut détruire mon âme. Là, moi, je considère qu'il n'y a aucune loi au monde qui peut m'empêcher de me faire justice. Si j'estime que cet homme est malveillant à mon égard à un point qui devient une agression pure et dure, il faut que je réponde, tu vois. Mais ça, c'est la jauge de chacun. Moi, je te dis un truc, hein, c'est l'exemple tout le temps. Si un jour, j'apprends qu'il y a un mec qui a violé mon gonzesse, je vais pas aller à la police, hein. Je vais aiguiser mon schlass, je vais monter une équipe et je vais me faire justice moi-même parce que après je pourrai assumer les 10 ans de placard que je vais prendre derrière. Il y a ça aussi, tu vois. Il y a un moment, si la question est est-ce qu'on a le droit de se faire justice tout seul, s'il n'y a pas d'autre solution, il faut arrêter de reculer. Il y a un moment, il faut que tu dises stop, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Il y a un mec qui met une main au cul à ta gonzesse devant toi, tu lui pètes une droite dans la mâchoire. C'est le minimum syndical. Et s'ils sont 15 ans, eh ben, tu fais comme un gros Corse, tu fais comme un gros Sicilien, tu prends ton mal en patience et le retour de manivelle est mille fois plus violent. Tu vois, il y a ça aussi. La société méditerranéenne est intéressante parce que des fois, le mec se dit « putain, je l'ai humilié en public » et 2 semaines plus tard, il a une cravate mexicaine. Tu vois, on lui a ouvert la gorge et la langue pend par la gorge. Tu vois, ça, c'est des trucs un peu violents, tu vois. Mais tu vois, s'il commence à se passer des trucs comme ça, eh ben, peut-être que les gars vont être moins chauds pour… tu vois, pour voilà. Donc après, il faut garder les proportions. C'est pas parce qu'un mec met la main au cul de ta femme qu'il faut lui tirer un coup de canif dans la gorge, hein, d'accord. Ouais, mais ils réagissent pas comme ça, les blondes, la plupart. Eh ben, il faut qu'ils apprennent. Déjà, il faut que dans le regard, on comprenne qu'il faut pas toucher le cul de leur gonzesse. Ça aussi, tu vois. Une guerre, c'est de la prévention. Une guerre, c'est de la prévention. Là, on est en état de guerre. C'est de la prévention, c'est de l'intimidation. Il faut montrer que tu as une force de coercition. Il faut que le mec se dise « Ah, celui-là, il a une carte Pokémon dans la poche. Ça va pas être tortank, ça va être, ça va être violence force 5, tu vois. » Et il se dit « Celui-là, il cache un truc, tu vois. » Mais le blanc, moi, je fais mon avocat du diable. Il a un problème et tout, le truc… Il va pas penser, ouais, je vais lui mettre une patate ou je vais sortir un slas. Il va dire, j'appelle la police. Ouais, mais te parle, je vais te dire un truc. C'est intéressant que tu parles de blancs parce que je vais te parler de blancs qui ne sont pas européens. Tu vois, c'est rigolo. À Toulouse, à un moment, il y a la communauté tchétchène qui est arrivée. Ah oui. Et les tchétchènes, c'est des guerriers. Hein. Le tchétchène, tu lui casses pas les couilles. Hein. Ça fait 500 ans qu'ils sont en guerre contre la Russie. Tout le monde leur a fait la guerre. Tu regardes leur hymne, c'est dans le fracas des montagnes, aucun peuple ne nous mettra à genoux. Tu vois. Ils ont un hymne qui est magnifique, les tchétchènes, un hymne de fierté. Ce sont des blancs, hein, purs. Hein. C'est des caucasoïdes. Ouais, c'est des caucasoïdes. Ils sont dans le Caucase. Le tchétchène, dans la rue, ils marchent pas, ils sont pas à 15. Hein. Les tchétchènes, c'est des guerriers. Ils sont 1, 2, pas plus, tu vois, 3 maxi. Les mecs, quand ils les voient, rien qu'à la dégaine, la manière de marcher, la manière de tenir sa tête et puis la façon de, tu vois, de contracter le cou, ils comprennent que ce n'est pas la peine. Et ce n'est pas des gabarits, forcément, tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas la couleur de peau, c'est les signaux que tu envoies. Tu as certains maghrébins, quand ils voient un serbe ou un truc, ils savent qu'il ne faut pas y aller. Ben, alors, et pourtant, c'est un blanc. Quand je dis blanc, non, mais c'est vrai. Quand je dis blanc, alors je dirais les blancs d'Europe de l'Ouest. Ah, donc là, tu es en train de parler. Pas de... du serbe ou du Caucase, là, du flanc fonce, là. Bon, appelons un chat un chat, tu es en train de me parler de Jean Eudes. C'est ça. Quand Jean Eudes se fait emmerder, eh ben, il faut que Jean Eudes il apprenne à adopter des comportements de mec qu'il faut pas emmerder. Déjà, primo. Ensuite, quand on l'emmerde, eh ben, si jamais il est dans une zone où il est susceptible d'être emmerdé, c'est bien d'avoir des potes. Parce que déjà, même, c'est la réalité. On parlait tout à l'heure, voilà. Le Méditerranéen, déjà, il se fait moins emmerder. Déjà, il est. Mais il parce est que ça moins, fait mille ans qu'on se fait. Moins enclin à se faire, voilà, marcher sur les pieds. Alors que ce comportement typique, tu vois, du mec, justement, très civilisé, attention, monsieur, j'appelle la police, ça, c'est l'Europe du Nord, l'Europe. Alors, ça dépend parce que par exemple, l'Europe civilisée, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais dans les villes. Parce que tu prends le blanc de souche, le français, le Ah Golden oui, Branch. c'est vrai, celui de la campagne, il est déjà plus Attends. il est plus coriace, il est déjà mais l'esprit mais normal parce qu'à l'esprit de la campagne, il y a Le encore un esprit rapport à la terre, communautaire. Ah oui, mais il y les a racines te pas. Eh oui. En ville, les gens sont des déracinés. L'école de Oui. Chicago en sociologie avait démontré que les Polonais qui venaient s'installer à Chicago adoptaient des comportements qu'ils n'auraient jamais eu en Pologne parce qu'ils étaient noyés dans la masse et qu'au bout d'un moment, ben, tu n'as plus le rapport de tiens, un tel va me juger, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Là, comment ça s'appelle en France, moi, il y a des patelins, tu vois, moi, je roule en BM, tu vois. Donc, je débarquais dans des patelins pour aller faire la sécu au Feria. Des fois, je m'arrêtais pour regarder le portable, pour voir si j'étais sur la bonne route. T'avais des paysans sur le côté, tu vois, qui me voyaient m'arrêter avec ma Mercedes et ma dégaine de mec de la ville. Et je prenais des « Qu'est-ce qu'il a, le mec, là? Qu'est-ce qu'il a, le bougnoule ?» Et t'es là, tu sors, tu fais « Alors non, je suis pas un bougnoule, je suis un pépito. Mais d'accord, je m'en vais, tu vois. » Non, mais si tu veux, il y a ça quand même. Tu vas pas emmerder Lolo Pons, tu vois, dont je fais la... Ou Marc Mercier, tu vois, tu vas pas emmerder ces mecs à l'ancienne comme tu vas emmerder Kev Adams. Non, mais c'est clair, c'est clair. Tu vois? Ou Oh, Lucas Rocha de Berlon. ouais. Tu vois, je sais pas si tu vois qui c'est. Non. C'était un mec qui avait fait un truc là. Oui, les extrêmes sont en train de monter au pouvoir avec cette voix-là, tu vois. Celui-là, quand un maghrébin le voit, c'est à peu près quand un tyrannosaure repère un steak à poing, tu vois. Donc, il y a un moment, durcissez-vous. C'est pour ça que je leur parle de boxe. C'est pour ça que je leur parle de se reconnecter avec les racines. C'est pas une question de race. Moi, je connais des Français de souche qui sont des terreurs. Ouais, bien Parce que les sûr. mecs sont dans leur campagne et tu viens pas les emmerder dans leur campagne parce qu'ils ont gardé le manche, tu vois. Et c'est les villes, c'est les villes, c'est... Oui, non, mais en campagne, il y a un esprit en plus, tu sais, De village, de de clocher. clocher. Il y a cet attachement. Les gens sont beaucoup plus enracinés, etc. Donc, ils se laissent moins, ils se font pas se marcher sur les pieds. Tu vas C'est pas les vrai. faire chier. Mais dans les villes, c'est là qu'on trouve quand même ces spécimens que tu as décrits tout à l'heure, quoi. Bon, il y a les cheveux bleus, les jeans troués, qui eux, bon, c'est. Eh ben oui, mais voilà, c'est moi, c'est eux que j'essaie de... Parce qu'ils Ah n'ont pas besoin de moi. Hein, le Corse, dans sa campagne, il n'a pas besoin de Papacito pour faire la loi, je te le dis. voilà, c'est ça. Et il y en a plein qui se débrouillent très bien sans moi. Moi, c'est pour ça que je viens me Mais voir... c'est eux en plus qui ont des problèmes, ceux qui sont là dans les villes et qui, comme tu dis, qui rasent les murs et qui machin et Ben c'est qui. ceux-là que j'essaie de convaincre d'arrêter d'être des proies ambulantes. Parce que moi, je connais le tyrannosaure. Et je sais quand il voit quelqu'un, comment il considère que le steak est à point, tu vois. Et je vois plein de steaks à point, hein, se balader, tu vois, qui sont bien fumants, là, tu vois. Ils sont sur leur plat, on croirait hippopotamus, tu sais. Ils sont salés, ils sont poivrés. T'as le couteau, la fourchette à côté. Putain, y a plus qu'un truc à faire, c'est le bouffer. Donc, c'est pour ça que je leur parle de boxe. C'est pour ça que le Raptor leur parle de muscu. C'est pour ça que quand je leur dis l'esprit de clocher, soyez à un moment, quand vous voyez un mec se faire merder, intervenez. Pas faire la salope à venir mettre un coup de couteau par derrière. Non. Et tu sépares et tu vois vite qui emmerde Même l'autre, parce tu que ça, vois. c'est pas du tout. Tu vois, même tout à l'heure, je pensais, tiens, un exemple. C'était il y a quoi, il y a quelques mois. Tu sais, il y a un diplomate russe. Il s'est fait prendre sur l'autoroute A1, carjacking, on lui a volé sa mallette. Et je sais pas si tu sais, ils ont poursuivi les mecs jusque dans leur cité et tout. Mais Machin. bien. Mais c'est des Russes, tu vois. Je pense que le Français, il serait fait vendre la mallette, puis il aurait été au commissariat porter plainte. Tu vois, le Russe, non, le mec, il les a poursuivis jusqu'au cœur de leur cité. Vous allez me rendre ma Mais mallette, bien les mecs. sûr, mais c'est comme le je sais plus quel mec. Ça m'a fait rire cette histoire. Il y a un vieux Corse qui s'est fait cambrioler. Le lendemain, il est allé se rencarder. Tu sais, parce que c'est un mec qui avait du réseau quand même. Et ils ont retrouvé les branleurs. Et les mecs ont pris une tannée. C'est fini, plus personne cambriole, plus personne en Corse. Parce que, tu vois, les gars, sur un moment, c'est verrouillé. Tu vois, chaque Corse est un relais orange, est un relais free, tu vois, du réseau. Tu vois, donc si tu fais un truc, fais attention que personne te voit. Tu vois, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup, je respecte beaucoup les Corses. Chez eux, il n'y a pas de McDo. Il n'y a pas de djihadistes. Parce que... Mais c'est Cohésion. cohésion, c'est vrai, mais ils ont un esprit communautaire que nous, qui n'existe pas sur Et le ouais, mais continent. pourquoi les Basques, ils ont un esprit... Tu vois, parce qu'on me dit à chaque fois, la Corse, c'est une île. Ouais, le Pays Basque, c'est pas une île. Et le Pays Basque, tu vas pas leur raconter des histoires aux Basques. Tu vois, tu vas pas leur casser les couilles. Et c'est pareil dans d'autres endroits, faut pas croire. T'as un endroit en France où c'est solide aussi, tu vois. Et le truc, c'est que moi, je pense vraiment que ça a à voir... C'est un problème qui touche... Le petit Français blanc de ville qui est déconnecté de la campagne, qui est déconnecté de ses racines en fait. C'est-à-dire qu'on en a fait un produit de la République. Il a honte de son passé. Il a honte d'être un homme. Il a honte d'avoir une érection. Il a honte d'avoir des chaussettes. Alors il fait des ourlets. Il veut pas avoir des chaussures avec des talons parce que ça fait fasciste. Donc il prend des petits bateaux en caoutchouc. Mais pauvre gaufre, va. Mon Dieu, mais réveille-toi, réveille-toi. Tu es dans un monde. Là, c'est le Vietnam, là, c'est Predator. tu vois. Moi, j'ai regardé Predator un jour, tu vois, j'avais 14 piges, j'ai regardé Predator, j'ai dit, ah ouais, d'accord, donc la société, c'est ça. Tu vois, on est entre Renoir et entre Blanc. Et en fait, bah, il va falloir monter une équipe avec des burnes parce que sinon, on va tous se faire charcler, tu vois. Et c'est, au final, c'est le plus déter qui survit. Et d'ailleurs, j'aime bien ce film parce qu'il y a, tu sais, il n'y a pas de place. C'est, en fait, c'est le front. Il n'y a pas de côté racial. Moi, tu sais, je suis un antiracialiste. Il y a vraiment la coopération de la couille noire et de la couille blanche pour aller démonter l'extraterrestre qui veut nous casser les couilles, tu vois. Et j'aime bien ce côté. Peu importe d'où tu viens, tu, à un moment, tu te... Moi, si on me demandait quelle est ma communauté, tu vois, si je devais choisir entre, tu vois, si on me disait, t'es plutôt français, t'es plutôt blanc, t'es plutôt. Moi, ma communauté, c'est les mecs qui ont des couilles et qui se laissent pas faire. C'est les chevaliers. Ma communauté, c'est les chevaliers. Voilà. Si on me demande à quelle communauté je m'affilie, aux chevaliers. Quel que soit leur. Parce qu'il y a des valeurs chevaleresques et on les retrouve chez plein de gens, tu vois. Il y a des gars, ils sont francs du collier et j'aime ça et pourtant, ils sont pas du tout racialement comme moi. Tu vois, où ils viennent d'autres pays d'Europe, où ils sont franco-français, voilà. Et ces mecs-là, c'est mes frères d'armes, voilà. Donc mon gang, c'est les frères d'armes. Ma communauté, c'est les chevaliers. Et je veux l'agrandir. Je veux que la France entière devienne une communauté de chevaliers. Et là, on se fera beaucoup moins emmerder. Ouais, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Allez, ah ben voilà, ils ont compris, tu vois. Il fallait juste le rappeler. D'accord. Alors, Papacito, tu penses quoi de la préférence nationale ? La préférence nationale, je pense qu'il faut qu'elle s'applique parce que, si tu veux, tu retrouves des franco-français complètement délaissés dans leur campagne et tout d'un coup, comment te dire, pour calmer un peu la cité, on va prendre un mec parce qu'il a un grand pouvoir de nuisance, on va lui donner un poste à la mairie de Toulouse. Tu sais, c'est-à-dire que t'es récompensé parce que t'es un caïd qui a un gros pouvoir de nuisance et t'es abandonné parce que t'es pas un casse-couille. Tu vois ? Donc à un moment, la préférence nationale, ouais. Redonnons aux gens méritants ce qui leur revient, tu vois. Et après, on verra pour les autres, tu vois. Et arrêter de faire en sorte que ce soit ceux dont on a peur qu'on récompense et ceux qu'on sait qui nous emmerderont pas qu'on délaisse. Qu'on délaisse. Ça, c'est clair. Donc oui à la préférence nationale. Alors, on me dit quoi encore ? On me dit un conseil pour les femmes qui veulent se défendre face à l'enrichissement culturel. Eh ben, alors ça, moi, je vais dire un truc qui est très rétrograde. Hein. On va considérer que c'est rétrograde. Moi, je pense qu'il faut que les femmes, se baladent avec un homme, en fait. Parce que, alors, il y a moyen d'être ferme et de ne pas se faire emmerder. C'est la version islamique, là. Non, mais je vais te dire. Parce qu'il y a la version pour leur faire plaisir qui est aller faire du self-défense et adopter des comportements fermes. Mm-hmm. Bon, quand t'as 5 mecs qui te tombent dessus à 3h du mat et que t'es tout seul dans le wagon. Ça devient compliqué. Puis ça, c'est bien compliqué. Avec ses petits talons et sa jupe. C'est ça, tu vois. Il faut être réaliste. Un mec qui débarque et qui a envie de la violer, c'est pas avec les 1 an de self-défense qu'elle va arriver à faire quelque chose. Tu vois. Bon. Donc, ce que je leur conseille, c'est que quand qu'elles anticipent les situations à risque et qu'en attendant que les hommes français retrouvent la suprématie sur leur territoire, elles essaient de trouver des chevaliers à qui s'accrocher pour... Mais ça ne veut pas dire se mettre en concubinage. Ça veut dire quand je vais d'un endroit A à un endroit B et que je risque d'avoir statistiquement plus de chances de me faire emmerder, de ne pas renoncer à prendre des transports. Moi, je suis contre le fait de... Allez, on arrête de passer par là. Moi, ça me gonfle. Ouais, mais elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Quand elles sont toutes seules, elles n'ont pas le choix. Elles prennent le Uber, tu vois, ou elles prennent celles qui n'ont pas d'argent, elles sont encore plus emmerdées. Mais quand elles ont le choix, essayez de se foutre avec un mec qui pèse, tu vois. Là, la promotion des mecs qui fait, c'est celui qui va être le plus sensible. Non. Arrêtez avec ça. Allez chercher le gars qui sera le plus à même de vous faire. Si elle y va avec son pote Jean-Luc, justement. Si Jean-Luc, qui est épais comme un panneau de signalisation. Ouais, mais, tu vois. Mais si Jean-Luc il est bûcheron à Dax, tu vois. Donc moi je leur conseille aux femmes de revenir, de commencer à revoir leurs standards et de revenir vers des hommes qui pourront. Tu vois là je prêche pour ma paroisse. Ouais. Mais c'est pas une question de physique et de gabarit. Hein. T'as des mecs de 1m70, 70 kilos, ils vont être prêts à faire un génocide dans la ligne D pour pas qu'on touche à leur gonzesse. Hein, voilà. Donc de se mettre avec des mecs qui ont des couilles et qui pourront déjà par leur présence garantir. Voilà. Malheureusement, c'est une solution qui est un peu, ça ressemble un peu à une doctrine rétrograde, mais malheureusement, la réalité du terrain impose aux femmes d'être prévoyantes. Paradoxalement, justement, elle dit ça, mais juste une femme qui va se mettre avec justement quelqu'un de l'enrichissement culturel, elle risque de pas avoir de problème. C'est ça le pire, c'est qu'en fait, parce que on va dire être clair, voilà, la blanche, elle va sortir avec un noir. Ben les autres noirs, ils vont rester tranquilles et personne ne va les faire. Ils vont pas aller chercher à le mettre à tester, à mettre la main au cul de ta meuf. Alors que quand comme t'es un ça. homme, c'est l'inverse. Si t'as une gonzesse qui est pas de ta communauté, là, moi c'est pareil, quand je me balade avec ma gonzesse, faut pas croire, hein. Il y en a certains, ils me regardent mal, tu vois. Parce que déjà, ils croient qu'elle est musulmane. Ils disent, putain, elle s'est mise avec ce gros porc tatoué, là, avec sa croix et tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, ça marche dans les deux sens aussi, mais non, moi je prône pas le mettez-vous avec un immigré pour vous faire respecter. Non, Putain, je fais tu mon vois, avocat du diable. voilà. Non, mais oui, t'as raison de le dire, mais à un moment, il faut quand même, je suis persuadé qu'il faut que les blancs se ressaisissent et qu'ils reprennent leur place d'homme. Même si certains le sont déjà, j'ai pas de leçon à donner, mais si tu veux, pour ceux qui vivent en ville et qui sont déracinés, coupés de leurs racines, il va falloir voilà, se durcir un peu. Alors, on me dit, moi aussi, je vivais avec une femme d'origine camerounaise. Elles sont plus conservatrices sur plein de points. Ben, si tu veux, il faut fréquenter les Africaines pour comprendre que le niveau là, c'est pas, si tu veux, Malika Le Pen, comme l'appelle Raptor, est beaucoup plus modérée que ma gonzesse sur certains points. Hein. Alors, notamment les Africaines, c'est ultra violent, mais les Africaines sur l'homophobie, mon pauvre. Alors là, si tu veux des femmes qui sont hardcore là-dessus, même moi, tu vois, des fois, je dis, oh, calme-toi, elle n'est pas homophobe. Voilà, mais tu sens qu'il y a des trucs, tu vois, tu es là. Parce qu'elles sont restées à l'ancienne, elles sont très à Parce l'ancienne. qu'en Afrique, l'homosexualité, c'est pas tout à fait la joie. Hein. D'ailleurs, ça va être le moment où ça va basculer, c'est quand tous les mecs qui sont dans les médias, parce qu'il y a certains journalistes qui sont homosexuels, qui vont se rendre compte qu'ils font la promotion de populations qui disent non, non, mais accueillez-les. Quand ils vont rendre compte que ces gens-là, dans leur pays, ils pendent les homosexuels à des grues, ils vont peut-être changer de discours, tu vois. Parce que le danger pour les homosexuels, il ne vient pas de l'extrême droite. Hein. Enfin, il y a une extrême droite qui est très homophobe, mais le vrai danger pour les homosexuels au niveau sociétal, il vient plutôt du désert que du Reichstag. De l'islamisme. Alors, on me dit bonsoir, Papacito. Concernant la politique, quel est pour vous celui ou celle qui incarne le plus les valeurs, le courage de cette ancienne France que vous avez exposée? Alors le problème, ben le problème c'est que dans la politique actuellement française, même s'il y a des gens qui sont de très bonne volonté, j'en trouve peu qui incarnent. Parce qu'en fait, déjà, la politique par nature telle qu'elle est en France fabrique des gens qui doivent se hisser par calcul. Donc déjà, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est antinomique, mais malheureusement, avec le système des partis où il faut avoir du pognon, où il faut être coopté par certaines personnes. C'est pour ça que moi je suis royaliste, c'est parce que je considère qu'en fait un mec qui a fait un programme pour être au pouvoir s'invalide s'invalide à la seconde même en fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que par nature, fabriquer un parcours pour arriver au pouvoir invalide sa potentielle validité au pouvoir. C'est ma phrase est compliquée, mais tu vois ce que je veux dire? Donc Qu'est-ce qui a incarné pour toi la France de Gaulle, voyons. ça incarne? Parce que c'est un peu ça Ah, mais y compris dans l'histoire. y compris dans l'histoire, j'ai Ah, oh, y l'impression. compris dans l'histoire. D'accord, je croyais sur la Ve République. Ouais, D'accord. dans l'histoire, j'ai Non, alors dans l'impression. l'histoire, Saint-Louis. Saint-Louis, c'est l'homme qui est proche de son peuple, c'est le roi parfait. Il est proche de son peuple, économiquement, il est viable, il est à l'écoute, il est responsable. C'est un mec qui se responsabilise, tu vois, sur son truc. Sur l'état de son peuple, il avait vraiment une grande soif de justice, tu vois. Au début, il rendait la justice lui-même. Très équilibré, tu sais. Il a fait la guerre, il a fait la paix, il a été très spirituel, il a été très proche de son peuple. Tu sais, ce côté prolo. Et d'ailleurs, moi, mon mentor, c'est Adrien Abosy. Parce qu'Adrien Abosy a ce côté où c'est un rugbyman, il vient du terroir. Il côtoie la haute société parce qu'il est avocat. Donc c'est un mec qui fait le lien. Tu sais, c'est un Français total. Total. En plus, Et il est puis il français. connaît la société, à la fois diversité, le Exactement. milieu ouvrier, quoi, Tu c'est vois, il ça. connaît le milieu ouvrier. Il est issu de il est pas issu des classes riches, tu vois. Donc c'est un gars, si tu veux, il est vachement intéressant parce que c'est un Français. Moi, ce que j'appelle les Français. Le français total. Et il est légitime parce qu'en plus il est franco-français, tu vois. Donc moi j'aurais tendance à me ranger derrière lui, tu vois. Pour moi c'est même lui que je voudrais pousser. J'essaie de plébisciter son bouquin à chaque fois. La France orange mécanique. Lisez-le aussi, c'est un très bon bouquin de Laurent Berton. Lapsus. Ouais non mais lapsus révélateur parce que j'aime beaucoup Laurent Berton, Moi très très aussi. grand écrivain, guérilla incroyable, Utoya. Ah bah Voilà. tiens, vas-y, on en touche un mot de guérilla. Alors, attends, juste finir Alors, sur, vas-y, sur finis Adrien sur ça, et Abosi. après, vas-y, on Je lui refais de la pub encore. Ouais. Lisez La France divisée La contre France divisée elle-même. contre elle-même. D'Adrien Abosi, pour moi, c'est la ligne. La ligne de comprendre l'ennemi, comprendre les alliés, Ouais. dans quel état la France, quelle est l'histoire de la France, quelle est la vraie nature de la France. Il oppose République et France, justement. Lisez ce bouquin, je vous en conjure, c'est ce qui ouvre les yeux et dispersez-le. C'est un livre qu'il faut se prêter, qu'il faut acheter, qu'il faut vraiment faire lire un maximum de personnes. Voilà, ça c'est pour Adrien Abosi. Tu me posais la question par rapport. Guérilla, oui, parce que j'ai pas l'occasion toujours d'en parler, Bon, mais ouais. déjà, Laurent Oberton. Alors. Laurent Oberton, je ne l'ai pas encore rencontré. J'ai pas eu cette chance parce que c'est un mec qui vit reclus dans la montagne, qui est un gars à l'ancienne, tu vois, il a coupé du bois. Moi, j'adore, tu vois, c'est le truc, c'est D'accord, le mec. ok. Il écrit comme ça en silence avec ses yeux bleus, tu sais, Fiskars, tu sais, on dirait qu'il a acheté ses yeux dans un magasin de tondeuses à gazon scandinave, tu sais. Donc le mec est là avec ses yeux bleus, il se pose, il écrit des bouquins de 300 pages qui sont bourrés de vérité, qui sont bourrés de violence, mais la bonne violence, tu vois, qui sont bourrés de finesse. Et quand il a fini, il pose son stylo. Au lieu d'aller en boîte sniffer de la coke comme n'importe quel trou de balle, non, il prend sa hachette Fiskars, il va dans la forêt et tac, il démonte des chaînes en silence, tu vois, il fait des copeaux de bois. Et le mec, c'est comme ça qu'il. Tu vois, donc déjà, moi, le personnage me ravit, tu vois, me plaît. Ce côté très secret, ce côté sobre. Tu l'as vu chez Ruquier, il se fait attaquer par Émeric Caron. T'as vraiment la hyène et le lion, quoi. T'as le mec posé, sûr de ce qu'il dit, tranquille, tu vois, à la droite. Et en face, t'as la République, quoi. T'as l'homme déraciné qui nous fait des bouquins pour nous expliquer qu'on fait des génocides d'animaux. Alors oui, on traite mal les animaux et vraiment, tu vois, l'abattage industriel, c'est de la merde. Mais bon, calme-toi, tu vois. Bon, comparer les poulets aux Arméniens, si tu veux, ça me pose problème. Tu vois. Bon, bref. Et ce mec-là, moi, j'ai eu un choc littéraire quand j'ai lu Guérilla. J'ai eu un choc littéraire. Je me suis dit, alors. C'est un scénario qui est très étayé, tu sais, parce qu'il a bossé beaucoup avec des scénarios qui sont prévus par les services secrets. D'accord. Voilà, ça, il faut le savoir. Les choses qu'il expose sont des scénarios qui peuvent potentiellement. Tu vois, il a mené une enquête, tu vois. Bon. Donc, il y a ce côté-là qui est très crédible. Son bouquin tient la route. Excellent. Ouais, son bouquin tient la route, tu vois. Alors, Et moi, je me suis toutes. marré Ah tout le ouais, de bouquin. A à Z. C'est normal. D'accord, ok. Alors, Parce que... ça te fait de l'angoisse. Ça te fait Ouais. l'angoisse. Mais après, ce qu'il ne faut pas oublier dans Guérilla, c'est que c'est un bouquin où il fait exprès d'exagérer, tu Bah vois. oui, il y a un Il exagère. troll de Ben, 350 degrés c'est à le master troll, si C'est tu du... veux. Oh là là Il y là a, y a, dans les trolls, il y a Saddam Hussein, il y a Mosinor, et là. Laurent Oberton, il est entre ces mecs-là et Dieu, quoi, tu vois. Donc, si tu veux, Laurent Oberton, ouais, dans ce bouquin, il nous exagère des profils qu'il a très bien cernés. Là. Chaque profil sur lequel tu tombes, Énorme. c'est un type de gaucho ou un type de droitard. Attard. Bien particulier, donc c'est un régal. Déjà, le rythme en style pur, il est très bon. Dans l'histoire, c'est incroyable. Incroyable. Moi, mon personnage préféré, les gens à chaque fois, ils hallucinent. Mon personnage préféré, je vais pas spoiler le bouquin, mais cette espèce de mec, tu sais, qui tout d'un coup se retrouve dans un embouteillage et qui fuit dans la forêt. Ah Tu sais, oui. il lâche tout. Il a une colique horrible, tu vois, il finit par avoir la chiasse et tout. J'adore l'itinéraire de ce personnage-là et tout ce qui l'entoure, j'aime bien. Et donc, tu vois, c'est un bouquin. Ouais, il faut le lire, Guérilla, c'est un Mais best-seller. c'est énorme, c'est énorme. Moi, j'étais non seulement alors plié de rire parce que c'est à Ouais, mourir c'est de à mourir rire. de rire, C'est quand même à franchement. mourir de rire. Ouais, Je me suis jamais autant ouais. bidonné en C'est lisant le livre. Il y clair, a c'est des clair. passages parce que tu te fais les passages des scènes dans ta tête. Particulier, bon, faut le dire, il y a des scènes avec des gauchistes qui sont mais C'est ah, jouissif. c'est jouissif, c'est à C'est mourir de jouissif. rire, mais En à fait, mourir. Laurent Oberton, il nous rend justice dans ce bouquin. Il vient faire le bourreau imaginaire, mais c'est tellement réaliste qu'on est là, on exulte, tu vois. De voir tous ces gauchistes se retrouver face à tout ce qu'ils ont promu, tu vois. Mais c'est génial, moi je vraiment. Et puis, comme j'ai lu beaucoup de ces bouquins, tu prends la mesure, parce que Guérilla, c'est le côté un peu, tu sais, c'est le juicy, tu vois. C'est le côté, t'es là, c'est séduisant. Après, quand tu commences à lire Utoya, où il se met dans la psychologie d'un tueur, tu dis, attends, attends, attends, là, on a affaire à un mec qui a une profondeur d'âme suffisante pour s'extraire de lui-même et s'incepter, comme on dit, faire une inception dans le cerveau méticuleux d'un tueur néo-nazi scandinave, tu vois. Et tu rentres dans ce bouquin et tu fais, ah ouais, d'accord, donc le mec, alors il est allé sur l'île, tu vois, il s'est rendu sur l'île. C'est vraiment, moi, ce que je kiffe vraiment chez lui, c'est que c'est quelqu'un de très, très, très méticuleux. Et tu le ressens dans ses bouquins, parce que même quand il fait Guérilla, qui est un bouquin plaisant et tout, il est méticuleux, tu vois. Son récit est méticuleux. Et puis j'aime bien la note à la fin, la note qu'il donne à la fin, tu sais, sur, je vais pas spoiler les gens, mais le personnage final est un personnage qui donne espoir et qui n'est pas un personnage qui plairait forcément à une certaine droite. Tu vois ce que oui, je veux dire? Oui, tout à fait. Bah, Voilà. Tout à fait. Même vis-à-vis de ce qu'il fait. Voilà. C'est extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et donc, si tu veux, moi, il m'étonne, tu vois, quand il fait ça. Il a vraiment une vision que j'aime beaucoup. Et ce côté très sobre, eh ben voilà, justement, voilà. Laurent Berton, c'est l'écrivain à la française. Pour moi, il est digne des grands classiques à l'ancienne, tu vois. Depuis Céline, on est là, on cherche un peu. Oui, t'as Houellebecq, t'as voilà, t'as des grands écrivains quand même, tu vois. Mais Laurent Berton, tu vois, on retrouve la substance qu'il y avait dans les grands classiques Ah français. ouais. Donc moi, je pense que dans un siècle, on parlera de Laurent Berton comme un grand classique français, Ah ouais, je le tu vois. pense aussi. Il y aura une relecture de son œuvre et là, on dira, ah oui, quand même. Surtout quand le pays sera libéré. Ouais, On pourra quand le pays sera lire du libéré. Oberton dans toute liberté, là. Alors là, c'est. Ah ouais, et puis il paraît, alors moi je ne l'ai pas rencontré, mais on le voit dans les interviews, c'est un mec super, super sympa et tout, vachement accessible. Je ne l'ai pas encore rencontré, il me tarde, mais le gars est vraiment, tu vois, il m'interpelle, tu vois, ce côté sobre, c'est dans une époque où tout le monde devient une espèce de baudruche, tu vois, cette sobriété, cette maîtrise, cet esprit ordonné à la française sans être exagéré, me plaît beaucoup. Mais ça va mourir de rire, hein. En Ouais. tout cas, je vous le dis. Ah, mais je vous le Et conseille. en plus, le scénario, bon, voilà, on va pas spoiler, mais hautement crédible. Hautement crédible. C'est-à-dire la situation qu'il décrit dans le livre, qui peut paraître justement, certains, il dit, oh, c'est un peu exagéré. Non, non. Moi, je trouve pas ça exagéré, en Alors, il y fait. a, si tu veux, Y a quelques points, voilà, on y va a pas quelques spoiler, points qui peuvent paraître mais c'est exagérés, mais normal parce quelques que points. pour construire un récit, il faut faire des personnages qui soient marquants, tu vois. Donc, il faut leur donner des attributs qui sont des fois un peu peut-être exagérés, tout ça. Mais non, pour moi, le bouquin, mais il s'est vendu partout. Il a été traduit en italien ou il a déjà été traduit en italien. Il marche partout Il parce marche. qu'il touche à quelque chose, tu vois. Énorme. En tout cas, je vous le conseille, ceux qui l'ont pas lu, vous pouvez y aller. Alors, on me dit quoi? Bonsoir, Papacito, c'est un fait, les tensions communautaires et les réactions se font de plus en plus présentes. Comment, d'après toi, va évoluer la situation en France? Pour ma part, j'aime croire à une vraie réaction des hommes. Merci. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent. Il y a trois écoles. Il y a l'école gauchiste qui pense on va les assimiler, ça va aller. Bon, visiblement, on va assimiler personne et les attentats vont continuer à s'intensifier. Donc, ce scénario-là, je n'y crois pas. Tu sais, le moule républicain. Ah oui, le Ouais, fameux, alors, ça, les gars, je vous le dis, le moule républicain, ça fait longtemps que la pêche au moule l'a démonté parce que là, il y a un chalutier qui est passé, c'est fini. Il est dans un moule frite 24 sur 24 à Gare de l'Est, le truc, tu vois, voilà. Donc, le moule républicain à la poubelle. Ensuite, il y a les deux qui m'intéressent à moi. Il y a la révolution à laquelle se prépare Piero San Giorgio, je lui passe bonjour, à laquelle se prépare Code Reynaud. Qui est celle de, à un moment, les Français vont se lever, ils vont prendre des armes et ça va castagner. Alors là, attention, parce que là, on rentre dans un truc, c'est comme les bagarres, on sait comment ça commence, on sait pas comment ça C'est finit. Hein. fini. Tu mets une droite, le mec il tombe sur un trottoir, il se casse les cervicales, il y a un mort. Donc faut voir qui va tomber sur le trottoir et qui va mettre la première droite. Moi, ce que je pense, c'est que les Français ne peuvent pas rester indolents indéfiniment. Et il y a un moment où les djihadistes vont accentuer l'horreur. Je pense que le moment où ils vont toucher à une école, où ils vont Des aller buter des enfants. gamins dans une école. Là, je pense qu'il y a des militaires en civil, ou des ex-militaires, ou des policiers, ou tout simplement des mecs qui sont armés, qui vont se faire justice, parce qu'ils n'accepteront pas. Et si tu veux, ça va être un Et donc là, escalade aussi. escalade. Et alors là, tu sais, tout le monde dit oui, mais ça va se passer comme ça. Ouh là là, mon pauvre. Une guerre civile. Moi, mes grands-parents en ont vécu une entre 36 et 39. Les empoignades, les cris dans la cage d'escalier. Les mecs qui débarquent à 5 h du mat dans la rue et qui tu sais pas de quel bord ils sont. Et puis les règlements de compte personnels. Parce que dans une guerre civile, là, il n'y a Oui, plus de règles. il n'y a plus de Donc règles. si il y a un mec qui a baisé ta femme et qu'il y a une guerre civile qui éclate, hein, ou si le terrain du voisin, il est pas mal et tu aimerais bien le récupérer, tu vois. Attention, attention à la guerre civile. Hein. Écoute, on pourrait y laisser beaucoup de plumes. On pourrait y laisser beaucoup de plumes. Je n'espère pas qu'elle va arriver. Je vais tout faire pour que non. Je vais tout faire pour que non. Et la troisième voie, celle que moi je promeus, c'est la reprise en main des choses via la métapolitique qui influera la politique, qui mettra enfin au pouvoir un parti qui nous donnera de vrais signaux de rébellion. Tu comprends, je veux dire? Donc, qu'est-ce que j'appelle la métapolitique? La métapolitique, c'est se réapproprier la culture, se réapproprier l'opinion publique, ce qu'Adrien Abosi appelle la nouvelle Il y a opinion une nouvelle publique. opinion publique, Elle va grandir, elle va en s'accroissant. Donc, ça, c'est intéressant. Quand on aura verrouillé, non. Quand on aura repris nos droits dans les médias, dans l'art, dans le cinéma, à la radio, Comment fait les trotskistes avec le marxisme culturel? C'est un mec de Génération Identitaire Toulouse avec qui j'en parlais. Il me disait comment ils ont fait pour gauchiser le monde. Il disait soyez soit journaliste, soit professeur. Parce que vous prendrez les gens sur le banc de l'école ou après vous direz comment vous voyez les choses. Toi, soyez journaliste. Eh bien, moi, c'est ce que je dis aux gens de droite. Soyez bon, déjà. Soyez journaliste. Soyez instituteur. Soyez artiste. Dans tout ce que vous pouvez faire. Des fois, les mecs ils me disent, ouais, toi, tu prônes le sauvetage de la France et la seule chose que tu fais, c'est une BD. Ouais, mais mine de rien, elle est dans les rayons à la Fnac. Et à un moment, il y a un mec qui va passer devant, il va voir le jaune et le noir, il va l'ouvrir, il va se dire, tiens, si je commençais à aimer mon pays. Et là, après, peut-être que dans ses comportements, il y a des choses qui vont changer. C'est ça, parce que si tu veux se complaire dans un espèce de rêve, ouais, on va prendre les armes, on va faire le vide, on va aller à Gare du Nord et on va faire un génocide de Congolais. Non, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer Non, comme ça ça. se passera pas Ça comme ça. m'étonnerait que ça se passe comme Bah, ça. Par contre, ce qui peut se passer, c'est culturellement commencer à forcer la France à se re-aimer elle-même. Et là, on changera les choses. Parce que là, tout d'un coup, les partis politiques vont se dire, attends, là, plus personne ne vote. Si je commence à affirmer un peu telle idée, un peu, voilà, prise d'opposition, moins multiculturaliste, hein, ah ben, les jeunes vont revenir à la politique. S'il y avait un mec qui débarquait en politique maintenant, là, et qui commence à faire péter tous les standards et tout, il ferait du bruit, tu vois. Ouais, tout à fait. Alors, Asselineau, par exemple, je vais le nommer parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai fait la sécurité dans un meeting, mais indépendamment de volonté, je travaillais dans une boîte, et en fait, finalement, ils m'ont mis à la sécu d'Asselineau, c'est rigolo. C'est marrant Je l'ai ça. rencontré, un monsieur très gentil, très courtois, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas. Il y a tout un pan de la jeunesse pour qui il ne peut pas incarner quelque chose de par sa nature. Parce qu'il a plus de 50 ans, ou je sais pas, il a plus de. Je sais pas quel âge il a. Il a plus de 50 ans, il n'a pas de connexion trop avec la street, entre guillemets, tu vois. Il y a des mecs qui sont un peu plus au fait de ces choses-là. Il y a toute une gérontocratie qui n'arrive plus à parler, tu vois. Alors, Lesquin, si, de Lesquin, il arrive, tu Bah, il vois. arrive à parler Il arrive à au... parler. Alors, ouais, mais il arrive sur une en mode dimension troll un en mode troll. peu. Donc, il a beaucoup séduit Avenoël et le 18-25, tu vois. Donc, il a ce mérite-là. Mais après, du coup, il est peut-être moins crédible par rapport. Il faudrait un mec, tu vois, qui arrive à un moment à casser ce truc des gérontocraties et ne pas être un simple troll comme on est beaucoup dans la dissidence ou dans la fachosphère, peu importe comment on l'appelle, tu vois. Et à un moment, il faut trouver ce gars-là. Moi, je pense que, par exemple, Adrien, alors j'attends de voir comment il va évoluer, je crois que lui, il n'a pas en plus de visée, voilà. Mais par exemple, Adrien ferait un très bon leader d'opinion. À mon avis, c'est derrière un mec comme ça que je m'arrangerai. Mais il y en a plein qui diront non, moi, je préfère autre chose. Donc, je ne sais pas, il n'y a pas de formule miracle, mais en tout cas, il y a forcément à un moment un homme qui va se présenter et qui va être peut-être en rapport avec son temps. Et là, on verra. Donc là, oui, pour l'instant, la politique, je n'y crois pas. Ouais, d'accord. Bon, bah, au moins les choses sont claires. Voilà. Tiens, allez, encore une question. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ce que tu as dit de ta femme pourrait sauver les apprentis nation-racialistes encore récupérables de la connerie stérile dans laquelle ils s'engagent. C'était très touchant et extrêmement pertinent d'utilité publique selon moi. Bravo. Bon, tu vois, Dis donc, merci, merci, voilà. c'est Ça gentil. vient de Comrade, hein, Ah, BBK. Comrade, ouais, mais je lui passe bonjour. Comrade, c'est un très très bon gars. D'ailleurs, j'invite les gens à aller voir ses vidéos. On est en contact, tu vois. Les gens vont croire que je lui fais un chèque pour débarquer et dire ben, merci à toi, Comrade. Écoute, c'est gentil, mais oui, effectivement, on est en contact à l'extérieur et c'est très gentil de sa part. Voilà, bah, tu vois, il te fait un Ouais, moment et il ben, te... c'est le cœur qui a parlé là. Il n'y a pas Ah, eu. là, Là, j'ai. complètement, complètement. Voilà. Complètement. Allez, on me dit, c'est quand que tu te maries avec Raptor? C'est quand que je me marie avec Raptor? Alors. Tu vois, D'accord. en fait, au niveau conciliation entre un Kabyle et un Espagnol, je sais pas, tu vois, non, non, en plus, on est même politiquement, on n'est pas mariés, tu vois, si c'est ça qu'il veut dire, parce que le Raptor a des idées différentes des miennes, tu vois. Oui, en plus, vous n'êtes pas sur la Ouais, même on n'est pas ligne. sur la même ligne, mais ça ne Non, nous empêche pas de tout dialoguer, à et fait. d'ailleurs, c'est tout à son honneur, parce que c'est quelqu'un qui a une grande capacité d'écoute, et puis de, voilà, il invite des gens très différents. Ouais. Donc, moi, je respecte sa ligne, et je respecte le fait qu'il me donne la parole, et que, tu vois, c'est pour ça que le Raptor dissident, on va pas se marier, mais on s'aime bien. Et ben voilà, ben on lui fait une grosse dédicace Ouais, au bien Raptor sûr, bien aussi. sûr. Rendez-vous dissident à suivre le dimanche soir. Ah, le Voilà. dimanche soir, exactement. Allez, je prends les dernières. Qu'est-ce que vous allez me dire là? On arrive à la fin. Allez, Papacito, c'est grâce à mon ex-femme qui est catholique que je me suis rapproché de la religion. Je suis devenu catholique, donc je me suis réveillé et devenu patriote et nationaliste. Mais je suis royaliste. mais ni légitimiste ni orléaniste. Bon, oula, oui, alors là, on rentre dans le dialogue orléaniste. Voilà, ouais. C'était lui qui était marié avec une mais c'est intéressant. Mais c'est intéressant que le catholicisme soit un vecteur, moi je le crois, ça. C'est quand même la France, dans son ADN, il ne faut pas passer par quatre chemins, elle est catholique. Elle a été façonnée par le catholicisme. Ça ne veut pas dire que le catholicisme actuel est le bon, hein, parce que Vatican II, merci. Mais je pense quand même qu'il va falloir que les Français se replongent un petit peu, se rapprochent un petit peu du catholicisme, parce que c'est ça qui va les amener par un chemin naturel à se rapprocher de la France et de leurs racines. Moi, j'y crois à ça. D'accord. Je pense donc, le catholicisme, en plus, il a une vertu, le catholicisme, il est naturel à la France. Ouais, exactement. Et il évacue la question raciale. Exactement. Il a deux vertus, ouais, franchement, deux grosses vertus. C'est ce qu'il lui reprochait, mais bon. Bon, bah, on va pas se faire que des amis en disant ça. Les obsédés de la blanche, vous avez vu, j'ai même ma veste blanche comme ça. Ouais, au moins, t'as fait un effort. Blanc comme la veste. Donc, bon, bah, pour la régie, est-ce que c'est bon, on peut enchaîner? C'est parfait, c'est magnifique. Bon, bah, écoute, merci, Papacito. Je remets, attends, un coup quand même. Un coup de pub quand même. En plus, c'est marquant, enculé, va derrière. J'insulte quand c'est... Yeah. Écoute, merci te pas. Donc, bah, merci à toi. Disponible sur Amazon. Disponible sur Amazon partout. La Fnac. Ah bah, en plus, voilà, c'est simple. Voilà. Fnac et tout. Finis pas comme Maître Gims, ça. T'as pas vu Bah, écoute, il y a des ventes de Congoïdes énervées qui se sont allées. Ouais, j'ai vu ça. Là, salaud, il parle du Congo. En plus, c'est parce qu'il parle du Congo. Hein. Et oui. Lui aussi doit rendre des comptes, le pauvre. T'as pas le lobby espagnol qui va dire « Salaud, il parle !» Alors, tu sais, eux, non, t'inquiète pas. Ils sont trop chauvins pour s'intéresser à ce que je fais en France. T'inquiète pas. Eux, ouais, ils règlent leur truc en Espagne. Ils règlent leur truc en Espagne. Déjà, il y a un tas de Catalans à gérer, tu vois. Ouais, donc, ça va. Ouais, là, moi, ils me laissent tranquille. Ils te laissent tranquille. Bon, bah, merci, en tout cas, Papacito. Bah, voilà, tu reviens quand tu veux. Rendez-vous dimanche, j'imagine, prochain. Ouais. Rendez-vous dissident, toujours. Voilà, on sera. Alors, non, dimanche prochain, moi, je serai pas là. Il y aura Dario, Virginie Vota et Julien Rochdi, je crois. D'accord. Ça va être une émission très intéressante, mais je reviendrai dans 15 jours. Voilà. D'accord. Okay. Merci à toi de m'avoir invité. Eh ben, merci. C'était un à plaisir. Vous. Bah, merci, plaisir partagé. Comme dans Predator, tu sais, non, il y a un truc comme ça. Donc, au début de Predator, il y a Schwarzenegger qui tape dans la main d'Apollo. Ah ouais. Genre en mode, voilà. Et attention. Il n'y a pas de race, il n'y a que des couilles. Si, il y a des races, Ouais, tu vas te faire engueuler. Ouais, je vais te faire engueuler là. Du cosmopolite et tout, tu vois, je l'attends. Les Lesquignans, ils sont de plus en plus nombreux là. Ah, ils sont en embuscade. C'est pas grave. Ouais. Le Lesquignan est pire que l'Upérien. Ouais, hein, mais c'est pas grave. Ils regardent toutes les. Ils ont des palettes de couleurs. Il y en a certains qui dialoguent avec moi, donc moi ça me va très bien. Ça va. Nous remigrez pas, les mecs. Non, vous avez... On est bien ici. Bon, allez. En tout cas, bah, merci à vous. Forcément, vous êtes un petit peu la résistance si vous écoutez ce message. Et puis, on se retrouve là, bientôt. Allez, vous suivez partout sur les réseaux sociaux. Ciao, tout le monde.